Mickaël nos limites, 23h, c'est parti Mickaël. Sur le fil, là, c'est pas mal. Attends, le chrono a fait. J'en connais un qui s'est fait gronder par le patron. Non, personne. Non, tu sais ce qu'il nous a dit. Non. Mais qu'est-ce qu'il est chiant, Mickaël. Ouais, mais c'est pas grave. Il laisse des messages à 23h, c'est quel emmerdeur. Tu sais qu'il m'a répondu juste après, j'ai vu le message à 2h, il m'a dit oh putain, je suis en train d'écouter comment on fait pour gagner l'iPod Nano. Véridique. Sans déconner. Sérieux? Véridique. Bah, car il va peut venir voir, ou l'un de vous. Et non, véridique. Il nous a appelé pour dire que t'étais un peu chiant. Hein. Oui, non, mais ça, il a l'habitude. Hein. C'est pour ça qu'il m'engage, parce que justement, je suis casse-couille. Le boss qui appelle les émissions pour gagner des cadeaux. Non, mais c'est pour sa fille. Mais bien sûr, il a le droit. Il a le numéro de la ligne directe. Il peut passer au travers, tout ça. Il écoute tous les soirs l'émission. Il est bien avec sa femme dans le lit et tout. Tout à fait. Calme-toi, Karel. Ne parle pas comme ça de la famille royale. De la sainte famille. De la sainte famille. Exactement. Mais totalement. Nous voulons l'année prochaine. Vous renégociez les contrats en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est toute l'année, on prend de l'avance sur l'année complète. D'accord, vous avez tout compris, bravo. C'est pour être sûr. Bon, bah bonne soirée. Bisous à vous. Merci beaucoup. À demain. Et à demain à partir de 20h. Salut, ciao, salut. Nickel. Et nous, on est parti jusqu'à 2h. Salut. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé, vous tirez votre coup, vous avez raté ça. T'es à moitié bi, tu nous as dit la dernière fois. Ouais, mais j'ai bien réfléchi, il faut faire les garçons, tes filles, c'est mieux. Donc depuis la semaine dernière, t'as réfléchi, quoi. Alors. T'as bien raison. Au lieu de téléphoner en anonymat et me débiter vos conneries, allez les faire ailleurs avec votre numéro. C'est très sérieux. Moi, je vous dis vos films porno, ouais, tout, allez vous branler, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Et oui, on est sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez fait le bon choix, celui d'écouter une vraie émission de Libre Antenne le soir. Et oui, c'est comme ça du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et puis le dimanche également, on est là, hein, de 20h à minuit. Prévenez vos potes, c'est pas encore fait. On salue Clara qui dit salut, je vous écoute tout le temps, je vous aime trop. Vous pourriez passer une dédicace à Maxime, Héloïse, j'imagine peut-être, et Benoît du 5h. Le message est passé, Clara, je te fais des bisous. Damien aussi, salut l'équipe, je viens de regarder la vidéo de vos exercices. Ah oui, avec le hashtag 30 jours. Défi 30 jours. Défi 30 jours. Ouais. Bah oui, on a mis la vidéo là avec les premiers exercices de polo et de tof. J'essaierai ce soir de me joindre à vous pour l'exercice final. Enfin, pas le final, loin de là d'ailleurs. Parce qu'on est qu'à 60 secondes. Hein. Ce soir, on est à 45, non? Non, 60. 60 secondes. Alors, très bien. 3 jours à 60 là. 3 jours à 60 secondes, très bien. Bah moi, j'ai squeezé le début parce que j'ai encore mal au dos. Ça fait un mois, je me suis pété la gueule. Enfin, une histoire. Vous avez certainement suivi un peu l'histoire si vous écoutez souvent. Sinon, bah voilà, je me suis tué le dos il y a un mois. Maintenant, ça va mieux. Donc, j'essaierai de faire le défi ce soir. Il y a Alexandre qui est avec nous également maintenant là. Salut Alex. Salut, bonsoir. Ça va bien Alex? Ouais, ça va. Bon, où t'entends mal Alexandre? T'as cassé le téléphone aussi ou pas? Non, c'est plutôt mon bled qui est un peu paumé, donc c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Bon, Alexandre qui était passé hier soir dans l'émission et qui nous avait appelé parce qu'il avait pété la voiture de fonction qu'il a eu de son patron, la vitre cassée, et du coup tu devais lui annoncer, donc tu vas nous dire dans quelques minutes comment ça s'est passé, d'accord? Pas de soucis, ça marche. Enfin, vu que t'es encore là, t'es vivant, c'est déjà ça. Oui. C'est ça, toujours c'est là. Que tout n'est pas perdu, c'est déjà ça de prix, effectivement. T'as envie d'écouter un son particulier ce soir, tant que t'es là et que t'as l'occasion de choisir? Non, j'ai pas d'idée, non. Bon, bah sinon j'ai Syndicate au flow nouveau, avec Got It To Like That. Et puis on aura aussi le nouveau son de, le dernier de Mr. Probs. Comme ça on va pouvoir chiller pendant que Toff ira chier. Bien entendu. Et puis on va se mettre aussi l'hymne de l'Electro Beach. Là c'est DJ Smash. Et je vous cale également avant 2h du mat le son de DJ Snake avec Dylan Francis. Son préféré Toff. Ouais. Il kiffe. J'adore DJ Snake, moi je kiffe. Il bouge son boule là-dessus là. Je remets mon gros beat là. Bon bah voilà, c'est les sons qu'on passera ce soir. Et puis si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, bah vous demandez, n'hésitez pas. Hashtag et Mickaël, évidemment. Il y a Romain qui dit ce compte Toff, il est là. Ah oui, il est là. Oui, je suis là. Ouais. Bah, il est là, il est en pleine forme, le compte Toff, ouais. Bon, si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire, bah, vous nous appelez. Hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 si vous êtes en Belgique. On parle de ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou ici. On parle de ce que vous voulez. Comme du régime de Sandro, hein, qui est un petit peu le running gag de l'émission depuis tellement longtemps. Comment va le régime de Sandro? Il faut savoir qu'elle est rentrée dans le bureau à 22h. 2h30 à peu près. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Et Polo qui lui restait une banane, il dit bah, tu veux, tu peux prendre la banane. Ouais, mais je préfère un Snickers. Oui, bah ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Entre steak haricot vert, je préfère un steak frit si tu veux. Mais bon, ouais, mais, et le pire, c'est qu'après, je la croise dans le couloir, elle me fait c'est quand même. C'est pas bon de manger une banane comme ça. Mais non, non, mais c'est, non, trop... non mais... Ah, c'est un fruit calorique, hein, non, franchement. Mais, ça fait 3 jours que je tiens. Ouais, bah c'est déjà ça de près. 3 jours de régime. Ouais, ouais. Tu tiens quoi? De son bide. Quelqu'un a son bide en main. Voilà, c'est ce qu'elle tient, ouais. Bon, il y a Tof qui est là également, plein d'amour, bien entendu. Un jour. Culo, qui est là, t'es en train de péter les couilles. Voilà. Eh, moi, j'étais mort, gros pédé, je vais t'enculer, fils de putain de bâtard, t'es mort. Hein. Voilà, c'était quelques petits messages très sympathiques. J'en ai un petit dernier, si vous voulez. Hein? Un petit best-of. Ah oui, allez. Un bonhomme en face de toi, ce qu'il va te faire. Il va te niquer, toi et ta mère, et puis ta bande de connards. Voilà, et puis ta bande de connards. C'est comme une des rares fois où on vous a insulté aussi. Oui. Hein, ouais. La bande de connards était là également. Enfin bon. Donc si vous avez des numéros sympathiques à donner à Tof, n'hésitez pas à partager, bien sûr, des ennemis ou des amis. De toute façon, c'est anonyme, on n'a pas besoin du nom de la personne qu'on appelle, ni même de la ville, ni de rien. On a juste besoin d'un numéro de téléphone. Et on sera un plaisir de les appeler d'ici une petite demi-heure là dans les appels malveillants. Si vous avez des numéros, vous envoyez ça sur le mail de Tof dès maintenant. toph@funradio.fr. On a également Polo avec l'armée des doux, bien entendu. Hein, ouais, toujours en mode gestion de l'armée des doux. Bah c'est du important. C'est du boulot. Ça se brosse. Ah bah ça se fait pas tous les. Ça se fait pas comme ça. Surtout que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Et surtout, ils ont quand même beaucoup de charges sur leurs épaules. Ouais. Puisque c'est eux qui sont censés annoncer la bonne parole. Ouais, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah. Voilà, exactement. Ils doivent aller sonner chez les gens avec des petits papiers pour annoncer que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Michael, exactement. Est là. Michael est là tous les soirs. Michael, No Limit, 23h, 2h la semaine, 20h minuit le dimanche. Donc si vous êtes doux et que vous avez envie d'annoncer la bonne parole, n'hésitez pas à nous appeler pour que vous puissiez devenir doux officiel en passant à l'antenne, évidemment. 01 42 48 5000, vous décrochez votre téléphone. Et si vous êtes en Belgique, ça marche aussi. Vous appelez le 02 851 4x0. Alex, tu bouges pas. Il y a Mathieu qui est avec nous d'abord pour la colle. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Comment tu vas Mathieu? Ça va et vous? Eh ben plutôt pas mal, en plus ce soir c'est bien, le mardi on fait le jeu de la rupture. Ah oui, il va y avoir qui rire. On va rire, je pense. Ah oui, je pense qu'on va rire, effectivement, ouais. Bon, alors, avant de faire le jeu de la rupture qui arrivera tout à l'heure avant minuit, évidemment, comme chaque mardi, on va se faire la colle. Pour gagner quoi? Pour gagner l'iPod Nano de dernière génération, ça vaut 180€. Et tu vas pouvoir peut-être le gagner maintenant. Pour le gagner Mathieu, il va falloir que tu balances une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et la donne à l'antenne, il gagne, tu perds. Dans tous les autres cas, tu gagnes. Vas-y, fais péter la colle, Mathieu, nous sommes tout ouïes. Je réfléchis tout le temps et pourtant je pense jamais qui suis-je. Alors, je réfléchis tout le temps et pourtant je ne pense jamais qui suis-je, c'est ça? C'est ça. Alors, je réfléchis tout le temps et pourtant je ne pense jamais qui suis-je. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh ben comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe, si pas, je vous le rappelle, vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900 au 63 22 depuis la Belgique et dans quelques secondes, je vous mets la colle sur le mur de l'émission, sur le mur Facebook de l'émission bien sûr en tapant Mickaël officiel, vous allez pouvoir nous rejoindre, on est plus de 442 000 dans la communauté Mickaël No Limit, plutôt pas mal. C'est pas mal, c'est bah pas oui, pour une émission qui n'a même pas un an, c'est plutôt pas mal du tout même. Voilà, vous tapez donc simplement Mickaël officiel pour nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, ça fonctionne également sur Twitter et même sur la chaîne YouTube. D'ailleurs en parlant de chaîne YouTube, je vous ai mis la vidéo du gainage, le premier essai là, la semaine dernière, la vidéo est sur le YouTube de l'émission, vous tapez Mickaël officiel, vous vous abonnez à ma chaîne et je m'abonnerai à la vôtre également. Bon Mathieu, tu restes avec nous? Pas de soucis. T'es abonné à la chaîne YouTube toi ou pas? Ouais. Ah, très bien, Facebook, Twitter, Instagram, tout le bordel aussi? Tout le bordel. Eh ben c'est parfait Mathieu, ça c'est bon ça. Mathieu, tu restes avec nous, on donne la réponse à ta colle avant minuit 30, ok? Pas de soucis. Allez, reste là Mathieu. Bon, et si vous avez envie d'écouter un son particulier, comme je le disais là, bah, vous balancez le hashtag Mickaël sur le Twitter. On fera le top tweetos tout à l'heure, on écoutera du bon son aussi. On est au cœur d'une heure sans pub. Et Tof, mauvaise nouvelle, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est terminé, tu ne vas plus pouvoir faire de blagues sur les blondes. Il y a une étude qui vient de montrer que le gène de la couleur des cheveux n'a rien à voir avec la connerie des meufs. Ouais, si. Il y a autant de brunes stupides que de blondes bêtes. Ou bon, pour les rousses, évidemment, c'est différent. Il y en a un peu moins, ça mais pue, bon, c'est différent. Voilà, ça joue pas non plus. Bon, du coup, que vous soyez blonde ou brune, venez nous raconter si vous avez déjà dit ou fait des trucs improbables ou des vannes de merde sur les blondes, des vannes de merde sur les brunes, etc., etc. Quoi. Mais oui, Katoff, il est avec, sinon... avec son rire de merde, c'est qu'il a une connerie à faire. Je prépare déjà. Non, c'est pas une connerie à faire, mais c'est une histoire. N'oublie pas que le coin n'est pas loin. Non, mais non, c'est une meuf avec qui je discutais. On parlait des prénoms, tu sais, les nouveaux, tu sais, t'as genre les Louis, tous ces trucs-là qui reviennent à la mode. Et la meuf, elle m'a sorti un truc, mais à mourir de rire. Elle me fait, ouais, mais ça, c'est des prénoms qu'on donne à des adultes. Ah oui. Oui, voilà, évidemment, quand je ne peux pas le mettre au coin pour ça. Non. La meuf était complètement con. Ah, c'est voilà. Ça. Mais t'es une bronde. Merde, elle était bronde. Non, elle était brune. Elle était une vraie brune. Elle était brune ou blonde, c'est dingue. Elle était brune ou blonde. Donc c'était une vraie brune, ouais. C'était une vraie brune, d'accord, ok. Bon, dites-nous si vous avez des vannes de merde sur les blondes. T'en as ou pas, toi, Alex? Non, okay. Sur les blondes ou les brunes, évidemment. Moi, j'en ai même pas, tiens. Non, non, j'ai pas de ça. J'ai beau réfléchir, j'ai pas. Une vanne? Ouais. Qu'elles ont. Et là, il y a un truc qui est à mourir de rire. Je sais plus où c'était sur attention, internet. Parce on que l'a mis la barre haute. Non, non, mais il faut l'avoir. Il va falloir rigoler, quoi, je veux dire. C'est la blonde qui fait du café. Ouais. Tu sais, elle appelle sa copine pour lui expliquer comment on doit mettre du café dans le truc. Et en fait, elle met le truc à l'envers, elle met le café en dessous. Ah, j'ai pas vu ça. Mais c'est ridicule. Je crois que c'était dans un dîner presque parfait, version néerlandaise. Je vais essayer de la retrouver. Ah, bah, très bien. C'est un ridicule. Eh bah, essayez de la retrouver. Ah, ouais, faut la voir, celle-là. Bon, dites-nous les autres. Je vous mets le post dans quelques minutes sur le Facebook et le Twitter. Comme ça, vous allez pouvoir y répondre, évidemment. Bon, alors, Alex, on est impatient là. On est impatient. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, tu nous appelles hier soir. Tu nous dis, c'est la merde. J'ai un nouveau travail depuis un mois. J'ai une voiture de fonction depuis autant de temps. Et j'ai déjà pété le pare-brise. J'étais derrière un camion, il y a eu un caillou, le truc a pété. Je sais pas comment le dire à mon patron. Et ben du coup, on a essayé de t'aider. Faut dire les choses quand même comme elles sont, hein. Ouais, avec Carglass, ouais, bien sûr. Mais tout à fait, exactement. Mais oui, c'est vrai. On avait essayé de t'aider grâce à nos amis, bien entendu, de chez Carglass répare, Carglass remplace. Puisqu'on t'a dit, bah, tout simplement, il est certainement assuré, il va pouvoir te trouver, à mon avis, un nouveau pare-brise facilement. Et qu'est-ce qu'il s'est passé donc? Attention, le moment est grave. Va-t-il, s'est-il fait virer ou pas? Ah, c'est ça l'important. Bah, c'est ça. Alors, attention. Attention. Attends, un roulement de tambour. Attends. Non, mais ça capte mal, j'entends pas. Ouais, mais c'est pas grave, nous on entend bien. Roulement de tambour, attention, s'est-il fait virer ou pas pour avoir pété la voiture après un seul et unique mois de travail? Bah non. Oh merde. Ah bah merci. Ah bah tu t'es... Bah non, mais nous on attendait ça pour l'audience là. Oh. On avait un pic d'audience qui est arrivé et bah il est parti. Ah bah non, désolé. Oh merde. Oh merde. Bon, qu'est-ce qu'il a dit le patron? Je plaisante, hein. Qu'est-ce qu'il a dit le boss? Ouais, bah il me fait bah c'est gentil de le prévenir, d'être honnête. Oui, de toute façon, il l'aurait vu. Hein. Ouais, bah voilà, ouais. C'est pas comme si tu avais pété un truc dans le moteur et que tu peux encore cacher, quoi. Non, là, non. Bon, ouais, donc, non, il a dit que c'était pas grave et qu'il allait changer. Là, quoi. Et qu'il allait aller où? Comment? Il allait le changer où? Ah, au garage, là où je travaille. Ah, d'accord, ok. Bah, très bien, parfait. Va. Bah, il va quand même chez... Carglass répare, Carglass remplace. Ou pas? Ouais, plus sûr. Il va y aller, là? Carglass, je sais pas, non, je pense qu'il va le faire lui-même. Ah, il va remplacer la vitre lui-même. Et ah ça, ouais. C'est fort. Ça, c'est, ah, un vrai, fort. C'est là que tu vois que c'est un vrai patron. Tu ça vois. Dépend, il fait quoi comme boulot? Bah, il remplace les vitres. Ah, ouais. c'est quoi la société pour laquelle tu bosses? Citroën. Ah, bah oui, bah alors oui, bah forcément, il va le faire lui-même. Bon, c'est et normal. On ne demande pas de prix pour ses bagnoles, hein. Nous, on n'en veut pas. Non, pas spécialement, non, ça ira. Non, Citroën? Non, ouais, non, bah, il a déjà l'autolib. Ouais, mais la DS3, moi, j'aime bien. Oui, c'est vrai qu'elle est sympa, la DS3, ouais, c'est vrai. Avec les changements de couleur, la DS, c'est cool. À l'ancienne. La DS à l'ancienne, mais elle ressemble plus à l'ancienne, mais bon. Ah. Eh ben écoute, tant mieux pour toi Alexandre, ravi que ce soit bien passé finalement. Eh ben c'est parfait. Eh ben écoute, merci d'avoir appelé et merci d'avoir donné des nouvelles en tout cas, c'est cool. Ouais, pas de soucis, je peux passer une petite dédicace? Eh ben écoute, vas-y, t'auras gagné ça au moins, alors vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Bah mon patron que j'aime. Une seule personne, ça fait. Ouais. Ton frère et puis Claudia du coup. Eh ben tu vois, t'en as fait deux, tu mériterais d'être viré. Bon. Salut Alex. Ben oui, salut Alex, à bientôt, ciao à toi. Salut, merci à vous, ciao. Allez, bye, et appelez-nous, on va faire les appels malveillants dans moins d'un quart d'heure. Et puis on va continuer à parler des vannes de merde, hein, puisqu'on s'est rendu compte, après une grande enquête, que les blondes, les brunes ou les rousses ne sont pas plus ou moins intelligentes les unes que les autres. Le gène du cheveu, enfin, de la couleur du cheveu, ne change absolument rien dans l'intelligence des personnes. Non, par contre, les rousses, ça pue. Merci, Toff, une minute. Ouais, allez, dégage. Voilà. Mais quel salopard, c'est vraiment un trou du cul. Il est mauvais, il est méchant. Complètement. Il y a Greg qui dit, moi quand je fais une connerie, je dis toujours je suis un Kinder, brune à l'intérieur, blonde à l'intérieur, brune à l'extérieur, blonde à l'intérieur. C'est bien ça. Il y a Mr Steven qui dit, j'ai vu la vidéo, j'ai bien rigolé, surtout de voir Toff faire ses abdos. Ah bah ouais, putain, alors là, au taquet hein, les abdos. Hein. Bah grave. Tu fermes ta gueule, t'es pas là toi. Ah oui, pardon. C'est dingue ça. Hop là, au coin. Non mais je rêve. Il y a Mystique qui dit, hello mes amours, salut Mystique et Jordan aussi, j'ai reçu aujourd'hui le sextoy. Je vais l'offrir offrir à ma copine. Ah cool, dis-nous un peu comment est-ce qu'elle l'a pris. Et Sacha depuis l'application Mickaël No Limit sur iTunes qui dit sur les blondes, une blonde passe son permis et elle dit à sa copine blonde, je l'ai pas eu parce que lorsque j'ai vu le panneau 30, j'ai fait 30 tours autour du rond-point. Et l'autre blonde répond, mais à quel tour tu t'es trompé? Ouais, effectivement, vu comme ça, je pense qu'on peut, on peut rien faire. Bon, retour de la colle dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis là, on est au cœur d'une heure sans pub. 23h15, eh ben, c'est l'heure de s'écouter le son de Calvin Harris maintenant sur Fun Radio. Ah bah, tu peux revenir, Tof. Ah, pour le voilà, c'est bien. Eh ben, tu peux repartir, on écoute Summer. When I met you in the summer. Le son de Calvin Harris, c'est Summer sur Fun. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et bien sûr, toujours en direct avec le son de DJ Smash. Ce sera Electro Beach dans quelques minutes sur Fun Radio. Electro Beach. On est toujours au cœur d'une heure sans pub. Et si vous voulez écouter des sons particuliers avec le hashtag Mickaël, vous faites comme chez vous évidemment. Vous êtes les bienvenus. Il est 23h19 sur Fun Radio. On fera les appels malveillants dans quelques minutes avec un très très beau thème ce soir d'appels malveillants. Oui, magnifique. Oui, je pense qu'il sera au taquet. Il y a Club Med qui dit j'ai une blague sur les blondes, qui va chez le gynécologue, lui annonce après consultation qu'elle est enceinte. La blonde lui répond, vous êtes sûr que c'est moi la mère? Ah, elle est pas mal aussi, elle est pas mal. Yalma qui dit bonsoir, j'ai une blague sur les blondes. Deux blondes discutent, pourquoi t'as appelé ton fils Caillou? Bah t'as bien appelé le tien Pierre. C'est drôle ça. C'est cool. Oh là. Alors on avait une également avec notre ami Dario que vous connaissez, qui anime sur Fun évidemment. Son Altesse. Qui est son Altesse Dario, qui était parti dans une boîte, dans un club avec une danseuse, qui lui a dit bah dis donc, bah, elle était pas française la danseuse. Ouais. Elle dit mais. Ça explique tout parce qu'on peut. Non, on garde son anonymat. Et donc elle dit à Dario, mais vous avez la lune aussi en France? Elle était brune celle-là. Ah, elle était brune, c'est vrai. Il y avait le miroir aussi avec Tof, non? Ouais, en fait, je suis dans un bar et donc je discute avec une meuf et puis on discute. Enfin, il se prend un râteau avec une meuf. Non, ça se passe. C'est pas grave, Tof. Ça se passe bien. Justement, c'est ça le truc. C'était récemment ou pas? Non, ça fait un moment. Ah bon. Et donc ça se passe bien. Et donc au final, bah, le bar va fermer et tout. Et je lui dis ouais bon bah il y a plus que nous dans le bar, on va peut-être y aller quoi. Et là elle me fait non regarde, il y a des gens là-bas encore, ça va, on n'est pas les derniers. Et en fait c'était nous dans le miroir. Ça c'est drôle. Ah, ça. Il est pas mal, ouais. C'est pas mal. Tiens, il y a message aussi, où est-ce qu'il est? Mickaël, non c'est Léa qui dit aussi pourquoi le dictionnaire s'appelle-t-il Larousse? Parce qu'il s'appelait la blonde, il n'y aurait que deux pages. Je suis blonde, je m'auto-clash mais je vous kiffe, alors je m'en fous. C'est gentil Léa, gros bisous. Thomas aussi, pourquoi les blondes ont toujours les mains sur les hanches? C'est plus facile pour sauver la cruche. Et Camille avec un cas qui dit moi j'ai toujours l'impression d'être conne, de dire et faire des trucs cons, j'ai honte pour rien. Oh il faut pas, t'en as rien à foutre, toi, tant que tu te fais marrer, tant que tu vis bien, c'est ça le principal. Il y a Devers aussi 45 qui dit salut les bad boys, salut Devers 45, bienvenue à toi, un habitué justement. Bon, il y a François qui est avec nous maintenant là, François de Rouen, salut François de Rouen, comment ça va? François Jean-François. Ah. Non, il est pas là, c'est pas grave. On a la star Anthony. Anthony de Charleroi, 20 ans. Ça va bien Jean? Allez. Ça va bien Anthony? Allez Anthony. Bah ça peut aller mieux, oui. Ah bon, bah ça va mieux alors. Bah on peut dire ça. Bon ça va, bah, c'est très bien, bah alors tant mieux, écoute. Anthony qui nous avait appelé la semaine dernière, qui voulait casser avec une meuf avec qui il avait déjà cassé, parce qu'il hésitait à être gay ou bi. Finalement il est devenu gay et hier il a confirmé qu'il a bien réfléchi et qu'il est gay. C'est ça Anthony, j'ai bien résumé? Oui. Bon oui. C'est parfait alors. Alors, est-ce que t'as une blague de merde sur les blondes toi, on t'écoute? Oui. Alors, pourquoi, vas-y. Pourquoi les blondes comment font les blondes pour surfer sur internet? Vas-y. Elle jette de l'eau pour me surfer. Elle quoi? Elle jette de l'eau pour me surfer. Elle est pas mal. T'en as une autre ou pas? Non. Ah merde, c'est ouais. Ah putain, on reste sur notre fin là malheureusement. Ah merde. Mais elle était pas mal. Attends, on va voir ce qui. François, t'es là? Ouais, allô. Ah, ouais. T'es réveillé François, qu'est-ce qui t'est arrivé là tout de suite là? Ouais, non, je sais pas, j'entendais pas quand on m'appelait. T'es tombé dans les pommes, okay. Peut-être, c'est possible. Bon, alors François, t'as aussi des vannes de merde sur les blondes? Ouais. Alors, vas-y. C'est une blonde qui dit à l'autre, j'étais à un stage en lingerie. Waouh. Et t'en as pour combien de temps là? Si on te reprend dans une heure, si tu veux. Ah bah oui, c'est ça. Non. Arrête, il est perturbé, il est timide. Oh là là, François, vas-y. Donc recommence. Non, je suis fatigué. C'est une langue qui part, qui vient à une autre, qu'elle a été dans un stage en lingerie. Ouais. Et qui lui ont demandé de repasser. Et ouais. Puis bah et ils l'ont jamais rappelé. Et ils l'ont jamais rappelé. Ah pardon. Genre en fait, c'est pour. Ouais, évidemment, il y a moins de gens qui rigolent là, mais. Tu dis? Genre en fait, c'était pour repasser avec un fer. Ah! Ah bah oui. Ah ouais, là, ah, tout de suite, oui. Ouais. Et il y en a une petite deuxième. Ah, t'en as une deuxième, bah tant mieux alors, parce qu'on restera pas sur notre fin comme ça. Ah vas-y. Bah oui, vas-y. Vas-y. C'est une blanche qui dit à l'autre, il y a un crachat par terre. Et l'autre, il prend son doigt à goutte et a dit non, c'est du sperme. Et l'autre a dit ah bon, comment tu sais? Et la deuxième a dit je sais pas, j'ai l'habitude. Et en plus, c'est pas du quartier. Mais allez-vous la chute? Ah si, elle est pas du quartier, genre elle s'est tapé tous les mecs du quartier. Ouais. Ouais, mais c'est pas une vanne. Ouais, bon, c'était pas très très bon, ouais. François. On va demander l'avis d'Anthony qui est un professionnel. Anthony? Ouais. Roi du calembour. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, ça allait. Ah. Mais là, attends, Anthony qui est toujours. Anthony, aujourd'hui t'es gay ou t'es bi? Gay. Ah, aujourd'hui t'es gay. D'accord. Mais t'es pas hétéro, hein? Non. D'accord, ok. Bon, heureusement, Anthony a toujours un avis tranchant sur toutes les questions qu'on lui pose. Bien sûr, c'est principal. Je suis pas gay, moi. Hein, Non, mais pas toi, François, on parlait d'Anthony. Ouais, mais je l'aime pas. De quoi? Ouais, mais je l'aime pas, moi. Tu l'aimes pas qui? Anthony. Mais on t'a pas demandé ton avis. On t'a pas demandé de coucher avec lui. On t'a pas demandé de coucher avec lui. On a simplement demandé s'il était encore gay parce que la semaine dernière il hésitait. Donc maintenant on le sait. Tout simplement, Anthony, t'inquiète. Ah, okay. Tout simplement, François, t'inquiète. Bon, bah merci François et merci Anthony d'être passé. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Je pourrais avoir un petit peu de fun. Oui, bien sûr, François. Tu vas retourner au standard. On va prendre tes coordonnées. On va t'envoyer ça rapidos, Alexandre. Pas de problème, François. Okay. Salut. Anthony, tu veux dire? Oui, j'en ai une deuxième. Ah! Aussi bonne que la première! Parfait, alors vas-y, on t'écoute. Pourquoi les blondes sont connes? Pourquoi les blondes sont connes? Je sais pas. Non plus. Bah oui. Eh mais c'est bien, tu devrais te consacrer à tes études. Faire un one-man show. Voilà, et nettoyer les pertes en balles, c'est tout ce que tu peux. Ouais. Non, tu devrais faire un one-man. Non. Ouais, mais un one man mais de cimetière. Un one gay show. One gay show, pourquoi pas, c'est une idée. Bon, ben, tu nous rappelles quand on a une nouvelle, d'accord? D'accord, tu peux aller au standard, Mick? Oui, bah bien sûr, tu vas y aller au standard. Je dis ça comme s'il allait aux chiottes. Ouais, je peux aller au standard, mais vas-y. Vous avez du PQ ou pas? Je te repasse Sandro, Anthony. Salut à toi, à bientôt. Okay, salut. Allez, ciao. On va se faire dans quelques minutes le magnifique jeu de la rupture. Nous allons jouer avec Amélie. Oh, un 100% fille. Bonsoir Amélie, bonsoir Adeline. Oui. Comment ça va les filles? Ça va, tranquille. Bah, content qu'on ait pour une fois un jeu de la rupture 100% féminin. Allez les gueules, ouais. Touchez-vous un peu là. Non. Par téléphone interposé, obsédé, là, tu vois que ça fait 1000 ans qu'il a plus rien fait là, il est complètement obsédé. Bon, le jeu de la rupture, on va faire ça dans quelques minutes. Vous restez bien là, vous connaissez le principe les filles? Ouais. Oui. Parfait. Bon, je vais quand même le réexpliquer à tous les nouveaux auditeurs car il y en a plein qui arrivent tous les soirs. On va réexpliquer ça dans quelques instants. Vous restez là, vous avez envie d'écouter un son particulier? Pharrell Williams, c'est possible? Bah, tout est possible, suffit de demander, hein, pas de problème. Voilà. Eh bah, très bien. Alors, je te mets Pharrell Williams dans quelques minutes. Avant ça, il y a DJ Smash avec Electro Beach. Vous connaissez, c'est là? Ouais. Voilà. Vous préférez ça ou Pharrell Williams? Ah, bah, moi, je préfère Pharrell Williams. Hein. Ah, bah, toi, tu préfères Pharrell Williams. Ah, toi, non, bah, on est pas dans la merde. Bon, bon, alors, on va mettre DJ Smash maintenant et puis on mettra Pharrell Williams après. Deal? Ok. Parfait, ah bon, on, okay. on fait ça comme ça, vous restez avec nous les filles. Et en attendant, eh bien il y a les appels malveillants. Hein. Ah. Oui. Et à quoi pensez-vous pendant que vous faites l'amour? On peut poser la question d'ailleurs à Amélie et Adeline tant qu'elles sont là. Amélie. Oui. À quoi t'as déjà pensé pendant que tu faisais l'amour avec ton copain ou ta copine, peu importe? Un truc où tu t'es dit, putain, je devrais pas penser à ça quand même, c'est pas bien. Je sais pas. T'as pas d'idée? Non, j'ai pas d'idée. Et toi non plus Adeline? Ah non, rien de. Bah parce qu'en fait il y a des femmes qui ont avoué à quoi elles pensent vraiment pendant qu'elles font l'amour. Et c'est pas joli, mademoiselle. Par exemple, une meuf qui a déjà pensé, enfin une des meufs, alors c'est un sondage qui a été fait sur plein de filles, hein, donc c'est des morceaux de réponses qu'on a pris à gauche à droite. J'espère qu'il ne voit pas mes rondeurs dans cette position. Genre le mec, il a envie de regarder ça. Voilà. Il a juste envie de se finir, de se vider les couilles. Ouais. Hein. Suis-je mieux que mon ex, que son ex, pardon. S'il peut finir, s'il pouvait finir pour que je puisse, que je finisse mes tâches, ménagères ou autres, hein, peu importe. Ou alors, elles peuvent aussi penser à un autre. Quelqu'un d'autre quoi, Johnny Depp, George Clooney, etc. etc. Ou alors elles se disent aussi, il ne faut surtout pas réveiller les enfants. Bon, pourquoi pas, ça éventuellement. Est-ce qu'il ressent autant de plaisir qu'avant? Ça aussi c'est possible. S'il se dépêche, pourrait voir la fin de Top Chef. Ah, oh, c'est honteux. Voilà. Mon plaisir d'abord et avant tout. Il y en a d'autres aussi, hein, genre pourquoi est-ce qu'il fait pas ce qu'il sait que j'adore que qu'il me fasse, mais il a fait semblant de pas entendre. Ouais. Ça fait partie des phrases qui reviennent souvent également. Hein. Donc toi, tu vas passer quelques appels malveillants à caractère pornographique, bien entendu, mais pour demander à tes amis à quoi ils pensent. Mais bien sûr. Eh bien, nous ferons ça dans quelques minutes. Tu restes avec nous. Enfin, vous restez avec nous, Amélie et Adeline. On aura la colle de Mathieu dans quelques minutes, et puis on va se faire au cœur d'une heure sans pub. Ah. On va se mettre bien avec DJ Smash maintenant. Electro Beach sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, bonne soirée même. Let's go to the beach. Le son de DJ Smash à l'instant sur Fun Radio, c'était Electro Beach. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et bah toujours en direct évidemment, 23h32, il y a Polo qui dit, c'est la maman blonde qui dit à sa fille blonde, si à minuit tu n'es pas au lit, je veux que tu rentres à la maison. Ouais. Oh, ça va, elle était mignonne. Ouais, elle est gentillette, elle est gentillette. Mamie Nova qui dit, pourquoi les blondes sucent-elles leur montre? Parce que tic-tac, c'est seulement 2 calories. Et voilà. Grégory qui dit, c'est une brune et une blonde qui parle. La brune dit, tu fumes après avoir fait l'amour. La blonde dit, je sais pas, j'ai jamais regardé. Nicolas qui dit, une blonde te lance une grenade, tu fais quoi? Tu la dégoupilles et tu lui relances. Alors vous êtes vous avez l'imagination ce soir avec les blondes, hein, attention. Hein. Heureusement on est tombé sur une information qui disait que les. Une information scientifique qui disait qu'effectivement le gène de la couleur ne change absolument rien au fait qu'une fille soit intelligente ou pas intelligente. Il y a Greg qui dit, comment une blonde fait-elle pour tuer un poisson? Elle lui met la tête sous l'eau pour le noyer, bien entendu. Darius aussi, quelle est la chose la plus intelligente qui soit sortie de la bouche d'une blonde? La bite d'Albert Einstein. Voilà. Alors, il y avait quoi d'autre aussi? Diogo aussi, moi j'en ai une. Combien de blondes faut-il de... Attends, c'est quoi? Attends, j'en ai une aussi. Combien de blondes faut-il de blondes pour allumer une ampoule? Il en faut aucune car il fera déjà jour. Voilà, ça c'est fait. Et alors une petite dernière là, avant de faire les appels malveillants. Arnaud qui dit sur le Facebook, pourquoi les blondes se mettent tout le temps devant la fenêtre lors d'un orage? Parce qu'elles veulent être sur la photo. Oh mon Dieu. Voilà. Je vous ferai une petite pause, on en fera d'autres tout à l'heure. Hein. Continuez, je vous ai mis le post sur le Facebook et le Twitter. Là, si vous voulez balancer des vannes à la con sur les blondes, les brunes et les rousses aussi, ça fonctionne. Hein. Vous n'hésitez pas. Hashtag Mickaël sur le Twitter, facebook.com, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et puis, bah, on va prendre, on va se faire les appels malveillants là maintenant. Mais oui, là. Allons-y. Appels malveillants, puisqu'on se demandait à quoi vous pensiez pendant que vous faites l'amour. Hein ? Oui, c'est ça. Voilà, tout simplement, puisqu'on s'est rendu compte que des filles pensaient des trucs qui n'étaient pas forcément très sympas pour le garçon. Ouais, c'est même scandaleux. Hein. Après, voilà. On parle des mecs et tout, mais genre penser à son ex, dire vas-y termine vite comme ça je peux regarder la fin de Top Chef, etc. etc. Mais du ça, coup, je suis sûr, il y a plein de meufs qui le font. Bah oui, du coup les filles, appelez-nous pour nous dire ce à quoi vous avez déjà pensé en faisant l'amour à votre copain. Qu'est-ce que vous avez déjà pensé par rapport à lui, par rapport à d'autres trucs, par rapport à votre emploi du temps de la journée, du lendemain, etc. Venez, dites-nous, 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Donc on y va, on appelle ? Allons-y. Allez, on fait le premier appel grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof comme tous les soirs, toph@funradio.fr. Allez, on y va, le premier appel, et on fera le jeu de la rupture juste après avec Aline et Amélie. Et ça me décroche. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous faites l'amour. Quoi ? À quoi vous pensez quand vous faites l'amour, madame? Oh, va chier. Mais pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça? Ah, elle pense à aller chier, peut-être. Ah, peut-être, c'est peut-être ça. Ça, c'est possible aussi. Bon, on va la rappeler quand même pour être sûr. Hein. Bah oui. On va pas mettre sa réponse dans une mauvaise case. Oui. Qu'est-ce que tu veux, connard? Bah, en fait, j'étais au téléphone avec votre femme, mais on a été coupé. Va te faire foutre. Mais pourquoi c'est assez clair. Bah, non, monsieur, c'est pas clair, parce que ça répond pas à ma question. Allô? D'ailleurs, Granger. On est encore, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus été sur l'île de beauté. On rappelle. Il a l'air très très chaud bouillant, monsieur. Adorable. Mais très gentil aussi. A priori, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Qu'est-ce que tu veux, enculé? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir, c'est à quoi votre pense, votre. Va te faire enculer, c'est assez clair. Mais non, monsieur. Tu comprends le français? Mais oui, mais ça répond pas à ma question, ça, mais monsieur. Moi, je te réponds. Et d'accord, elle pense à quoi alors, monsieur? Tu as compris ou pas? Ben non. Va te faire enculer. Oui, mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Mais moi, ça répond. Ben non, pas du tout, monsieur. Oh, c'est vrai que ça répond pas à la question. Bah non. Ah, pour le coup, il faut quand même lui dire. Ah oui. Bon, bah c'est pas grave, on en appellera d'autres tout à l'heure. Bah oui, je suis déçu. Bah oui, du coup, on a pas trop le choix, c'est pas très grave. Bon, on va s'écouter aussi, tiens, Amélie. Amélie, oui. On va s'écouter là. Voilà le son de Marilyn Monroe, la Pharrell Williams qu'on va mettre dans quelques minutes sur Fun Radio. Faudra bien rester là. C'était toi qui avais demandé de Pharrell Williams ou c'était Adeline, je sais plus maintenant. Non, c'est Adeline. Ah merde, Adeline, bah voilà. Ah du coup Amélie, là, il se fout de ma gueule, je lui dis que j'aimais pas. Il se fout de ma gueule, l'autre là, il se fout de ma gueule. Bon Adeline, du coup le Pharrell Williams va arriver, voilà. Ça te va celui-là, Marilyn Monroe? De quoi? Ça te va celui-là, Marilyn Monroe? Ouais, ouais. Bon, bah très bien, parfait. Bah reste avec nous, les autres aussi d'ailleurs. On va se mettre ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Alors, Adeline et Amélie, on va se faire maintenant le jeu de la rupture. Le principe est très simple. Vous allez appeler l'une après l'autre, chacun à votre tour, évidemment, quelqu'un au hasard. On ne sait pas si c'est un garçon, une fille, un vieux, un jeune. On n'en sait rien du tout à l'avance. Et donc, vous allez les appeler et tenter de lui faire une conversation de rupture. Comme si vous cassiez avec votre copain, genre, okay. Écoute, ça va plus entre nous, il faut que ça s'arrête, etc., etc. Et il faut tenir le maximum de temps avant de se faire accrocher au nez, ok? Ouais, ok. Qui veut commencer les double A, là? Amélie ou Adeline? Alors? Voilà. Amélie ou Adeline? Moi, je propose qu'on fasse par ordre alphabétique. Oui, effectivement, bah, ce sera Adeline. Bon, ben voilà. Et bah, ce sera Adeline avec un AD contre AM, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Adeline et Amélie, t'es toujours là, hein? Oui, oui. Ah oui, d'accord, comme tu parlais plus, tu sais, elle se faisait discrète. Qui veut commencer? Je ne suis pas là, je ne vois pas de quoi on parle. Bon, alors c'est parti, on y va, Adeline, on appelle le premier. Je te souhaite bonne chance, dès que t'entends... Bonjour, ah, bah, vous voilà, êtes sur ça, la messagerie. Ça, c'est le répondeur. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et puis bah bonne chance. Hein. Ok, merci. Allez. Allô? Allô? Oui? Oui, écoute, je t'appelle parce que... Comment dire? Faut que je parle de quelque chose. Je crois que vous faites un mauvais numéro, vous pensez que vous parlez à qui, là? Ah, écoute-moi. Je parle parce qu'en fait, franchement, ça va plus, c'est plus possible entre nous. Vous êtes qui? Vous êtes écoute qui? Écoute ce que j'ai à dire. Écoute, s'il te plaît. Oui. Je peux vraiment plus, sérieusement, c'est plus possible... C'est un faux numéro. Vous appelez. Vous pensez que vous appelez qui là? Écoute-moi. Ok, s'il te plaît. Qui êtes-vous? Mais dites-moi qui vous êtes. Mais c'est moi. Je connais pas. Enfin, ton ex. Je vous connais pas. Mais écoute-moi. 53 secondes. C'est terminé. C'est terminé. 53 secondes. Justement, je disais 53 secondes. Bah, tu m'as pas entendu, mais 53 secondes, c'est pas mal, Adeline. Hein, c'est pas mal. Bon, Amélie. Oui. Il faut faire mieux. Ah bah, il va falloir faire mieux. Si pas ce coup-ci, le coup d'après. Parce que je rappelle que juste après la pub, on remettra le couvert, ce sera la deuxième manche. On y va, c'est parti. Amélie. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Ok. Et c'est le même principe, tenir le plus longtemps sans te faire raccrocher au nez. Et y a pas de soucis. Oui, mais ça ne téléphone pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne téléphone pas. C'est le standard, il a plus envie de jouer. Oui, je pense que le standard. Ouais, il a pas envie de jouer avec moi. Tant pis, c'est pas grave, on va appeler quelqu'un d'autre. On va surtout prendre une autre ligne. Voilà. Allez, vas-y, bonne chance, Amélie. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est moi. C'était en fait pour te dire que toi et moi, ça pouvait pas continuer comme ça, en fait. Ouais, bon, alors vous arrêtez d'appeler et de dire n'importe quoi parce que c'est pas le bon numéro, d'accord? Ben si, c'est le bon numéro. Je me trompe pas de numéro comme ça, quand même. Ah si, vous vous trompez de numéro, là, d'accord? Au bon accueil, bonjour. Ben, alors, vous arrêtez d'appeler. Oui, mais le prend pas comme ça aussi. Non, mais on se tutoie pas, on se connaît pas, donc on arrête d'appeler, d'accord? On se connaît, on s'est vu. On est sortis ensemble et... Bon, après, écoute, c'est pas... un garçon au téléphone ou une fille à ton avis? Hein, tu crois que j'ai 15 ans? Moi j'ai pas 15 ans non plus. Oui, mais c'est bon, vous arrêtez d'appeler là maintenant. Mais je t'appelle juste pour te dire ça, c'est tout le problème. Mais j'en ai rien à foutre, t'arrêtes d'appeler les gens, d'accord? Ben je t'appelle pas déjà, je t'appelle à toi. Non, on se connaît pas, maintenant ça suffit. Ben si, on se connaît. Ouais, c'est ça. Mais... Oh putain! Oh putain, 56 secondes! Oh mon dieu! Ah non, non, non, 58! Le raccrochage a été fait là, hein! Ah oui! Ah, ah oui, oui, le raccrochage a été fait là! 58 secondes, Amélie! Oh là et là sincèrement, là quand elle a décroché, qu'elle a fait on se connaît pas, je me dis putain, la pauvre, elle est morte, hein. C'est foutu là, et c'est niqué. Bon, bah c'est rien, Amélie, 58 secondes, Adeline, 56, autant dire que rien n'est fait, on va remettre le couvert juste après la pub, hein. D'accord? Ok. Allez, réfléchissez bien à ce que vous allez faire comme histoire, comme scénario, d'accord? A tout de suite les filles. A tout de suite. Et puis bah du coup comme on est dans les jeux, bah, on va remettre le couvert aussi, tiens, avec notre ami Mathieu pour la colle. T'es là Mathieu? Toujours, toujours. Eh bah tant mieux, il y a l'iPod Nano qui est à gagner, je le rappelle. Pour le gagner, il suffit de vous rendre sur le Facebook de l'émission, vous tapez Mickaël officiel. Et si vous n'avez pas internet, vous pouvez envoyer la réponse par SMS, numéro que je vous donnerai dans quelques minutes après que tu aies rebalancé la colle Mathieu. Je réfléchis tout le temps et pourtant je ne pense jamais. Qui suis-je ? Je réfléchis tout le temps et pourtant je ne pense jamais. Qui suis-je ? C'est bien ça ? C'est bien ça. Petit indice à base d'histoire de Toff de tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je n'en dis pas plus. D'ailleurs, j'ai une autre histoire avec la même meuf qui est très drôle. Ah bah très bien. On propose un ordinateur pour la colle. Nope. On proposait Winnie l'ourson. Non plus. Non. Mélodie qui proposait Internet. Non plus. Lucas qui proposait Toff. Non, parce qu'il réfléchit pas souvent. Quentin qui proposait la lumière. Non plus. Inès sur le Facebook, un iPhone. Ah bah non plus. Karine qui proposait une montre. Non plus. Lou qui proposait soi-même. Ah bah non plus. Non plus. Guillaume qui proposait la question du soir, c'est une calculatrice. Non. Non plus. Bon bah très bien. Bon bah allez-y alors, si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS, au 63 22 depuis la Belgique. Et puis bah vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Je vous ai mis la colle sur le Facebook et puis vous allez pouvoir comme ça y répondre gratos et même lire la colle. Il y en a qui arrive peut-être à mieux réfléchir en ayant la colle sous les yeux écrite. A tout à l'heure Mathieu, on donne la réponse avant minuit 30. Et l'iPod Nano du valeur de 180 euros sera peut-être pour toi. C'est tout ce que je te souhaite. Alors, on a Dominique avec nous maintenant d'Arcachon. Salut Dominique. Oui, bonjour. Oui, bonjour Dominique. Comment ça va? Bonjour Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Dominique. Ça va très bien. Écoute, je suis pliée en deux ce soir, comme d'habitude. Ah, t'as mal au dos, c'est ça? Ah, t'as mal au dos, c'est l'âge. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Non. Plié en deux de rire. Quoi. Ah, bah nous voilà rassurés, bah tant mieux alors. Bon, Dominique, t'avais une blague sur les blondes, toi? Ouais. Alors vas-y, on t'écoute. Mais une véritable blague, hein. C'est même pas une blague, c'est une sale blague pour son copain, parce que, voilà, elle avait Dominique, décidé c'est ça qu'on a de faire à son chéri un gratin de nouilles. Ouais. Alors, attends, je crois que j'ai pas désactivé de... Allô, Dominique ? Parleur désactivé. Ah, bon, voilà. Voilà, ça ira mieux. Oui, oui, bah, alors, votre rebut, t'as connu la dernière fois. Elle a mis les nouilles crues dans un plat. Ouais. Elle a bien mis du gruyère râpé par-dessus. Ouais. Et elle a mis ça au four très chaud. Je te raconte pas les détails. Ah, si, raconte justement. Non, pas les détails, mais l'histoire. Écoute, moi, j'étais pas non, là. Trop mais but, alors, trop but. Mais alors, ça a été l'explosion dans le four. Ah, j'imagine. Alors, gros but. Ça a éclaté de tous les coins, quoi. Ah, bah, c'est ça. De tous les côtés. Ah, c'est ça l'histoire. Bon, bah, son chéri, il n'a pas pu manger un gratin de nouilles, voilà. Non. Ah, grave. Ah, bah, elle est vraie et drôle, donc c'est parfait. C'était magnifique. Ouais. Ah, bah, c'était parfait. Eh bah, merci Dominique. Merci à toi. Eh bah, gros bisous, hein. Gros bisous. Salut Dominique. Ciao à toi. Et puis, on aura Océane et Charlotte dans quelques minutes. Salut les filles. Salut. Oh, on a que des filles ce soir. On est pas bien là. Ah. On n'est pas bien. On est hyper bien. Ouais. On est au top. On est hyper bien installé. Céline qui appelle de Bar-le-Duc. Charlotte qui appelle dans des Vosges. C'est ça les filles? C'est ça. Bon, et dans quelques minutes, vous allez nous raconter à quoi vous avez déjà pensé en faisant l'amour avec votre copain, votre ex, votre copine, peu importe, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors ne bougez pas de là, on en parle juste après. On va passer aussi le son de Pharrell Williams. Il y a un son que vous avez envie d'écouter, les filles, ou pas? Les filles? Bah, je sais pas, n'importe. D'accord, bah n'importe, tant mieux. Pharrell Williams arrive avec, avec Marilyn Monroe. Il sera ravi, Pharrell, s'il nous écoute. N'importe, bah très bien. Hop, on met ça. Bon, restez là, les filles, on repart avec vous dans quelques minutes. C'est Mickaël No Limit. Soyez les bienvenus si vous arrivez, car oui, il se passe enfin quelque chose le soir à la radio depuis cette année. Et c'est Mickaël No Limit, 23h, 2h la semaine, 20h minuit, tous les soirs, tous les dimanches, pardon. Et puis prévenez vos potes, hein, car oui, ce sont vos amis, si ce sont des membres de votre famille, vous devez de faire votre devoir de les prévenir, qu'ils arrêtent de s'abrutir avec des émissions pourries, qu'ils viennent sur Fun Radio tous les soirs, on les accueillera les bras ouverts. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun jusqu'à 2h du mat. Et bonne nouvelle, il n'y a plus de pub jusqu'à la fin de l'émission. C'est ce qu'on appelle la nuit sans pub. Oh, c'est si beau. Vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Quoi qu'il en soit, contrairement aux autres, on ne s'arrêtera pas pour mettre de la pub. On s'arrêtera en revanche pour mettre Pitbull, Avicii, etc., etc. Là, ouais, mais sinon, c'est tout. Et puis, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, bah, vous nous appelez où que vous soyez en France. 01 42 48 5000 et où que vous soyez en Belgique, 02 851 4x0. Il y a la friterie Alba qui dit salut Mickaël, avec le travail je suis en retard. Ah bah bravo friterie Alba, là faut mettre la radio dans la friterie. Bah oui, c'est bah ça, oui, c'est enfin voyons. Hervé qui dit salut Mickaël, c'est Hervé. Moi j'en ai une sympa sur les blondes. Que fait une blonde dans un aéroport? Elle jette du pain aux avions. Oh. Qu'est-ce qu'une blonde avec une mèche brune, une lueur d'espoir, c'était Ambre. Voilà. Bravo Vladimir aussi. Poutine, un message de bienvenue pour Ludivine qui vous écoute pour la première fois. Eh ben, bienvenue à toi Ludivine. Bon culot, ok, là, t'es en train de péter les couilles. Voilà, je t'embrasse Ludivine évidemment, c'est un message de bienvenue, c'est amical. Hein, voilà. Bien sûr, c'était gratuit. Émilie qui dit, c'est une blonde qui a accouché de deux bébés, des jumeaux, cependant elle pleure à n'en plus finir. L'infirmière lui dit alors, mais voyons madame, pourquoi pleurez-vous? Vous êtes maintenant mère de deux beaux bébés en bonne santé. Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas qui est le père du deuxième. Voilà, voilà, voilà, voilà. On va rester sur cette bonne, Emily. Bon, restez, si vous avez d'autres des blagues sur les blondes, là, balancez-les avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. Vous pouvez le faire aussi sur le Facebook. Je vous ai mis un post où vous pouvez répondre et mettre tous vos messages. Facebook.com, tapez Mickaël officiel. Et puis, si vous en avez des bonnes, vous pouvez également appeler le standard, bien entendu, 01 42 48 5000. Et on va se faire la suite et la fin du jeu de la rupture. Avec Amélie qui a fait 58 secondes sur le fil. En gros, elle a fait 58 secondes sur une erreur de la personne qu'on appelle, puisqu'elle a voulu raccrocher à la 55e seconde, sauf qu'elle a fait tomber son téléphone et qu'elle a raccroché seulement à la 58e. C'est ce qui a sauvé Amélie de une seconde. Bon, Adeline qui elle a fait 56 secondes, mais proprement, attention, c'est bien passé. Les deux ont bien joué. Nous allons donc remettre le couvert maintenant. Amélie, puisque tu as fait le meilleur de deux scores, c'est toi qui recommences, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va, toujours le même principe, tu appelles chez des gens au hasard, tu leur fais une conversation de rupture, comme si tu quittais ton mec ou ta meuf, et puis ben, plus tu tiens longtemps, plus t'as de chances de gagner. Pour l'instant, si Adeline, au prochain appel, fait moins que 58 secondes, c'est toi qui gagne, quoi qu'il arrive maintenant. Même si tu fais un appel de merde de 2 secondes, c'est, on retiendra le bon, le plus gros chiffre, d'accord? Amélie. Oui. Ah ben non, mais il faut écouter quand je te parle Amélie, ça fait deux. Non, quelques fois j'ai l'impression que tu t'écoutes pas, c'est que t'arrives. Oui, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'impression qu'elle se touche. Quelqu'un me parle. Ou alors t'as la radio derrière toi. Oui, je viens de l'éteindre. Ah ben voilà, c'est pour ça que tu réponds avec du retard. Bon Amélie, c'est parti, on y va, on appelle. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Et on te souhaite bonne chance. Vas-y Amélie. On y croit. Bah alors. Ah ça roupie ce soir. Allô? Oui. Oui, je t'appelais en fait pour te dire que toi et moi c'était fini. Vous êtes chez Monsieur Garcia et Stéphanie Carté. Garcia? Oui, ben oui, c'est ça, on a eu une aventure et voilà, enfin, je voulais te dire que ça s'arrêtait là parce que je peux pas continuer parce que t'as quelqu'un, donc non, mais voilà, c'est trop compliqué pour moi en fait. Et vous arrêtez vos conneries, là, on voudrait dormir, là. Mais c'est pas des conneries, Votre correspondant vous a mis en attente. Veuillez patienter. Ah bon, on attend. Oh, la chance. Elle revient pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'ai eu une aventure avec votre femme et voilà, et j'ai eu dire que c'était terminé en fait. Allô? C'est-à-dire? Ben que, ben voilà, elle était avec vous, donc voilà, moi je voulais que ça s'arrête là, parce que je pouvais pas continuer comme ça, et voilà. Qui s'arrête où? Pourquoi? Pardon, excusez-moi. Ben, je peux plus continuer avec votre femme, c'est comme ça, il faut pas qu'elle prenne mal comme ça et qu'elle me mette en attente, quoi. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Je m'appelle Amélie. Hein? Amélie. Amélie? Je vous connais pas, non? Ben, moi, je connais très très bien votre femme et c'était pour juste lui dire que c'était terminé, mais elle peut rien entendre. Quand j'ai ma femme... Ah ben voilà, il a raccroché. Tu connais ma femme, elle va te faire foutre. Bon, alors 1 minute 37 Amélie là, pas mal. Adeline, la barre est haute. Ouais. Elle a eu de la chatte hein, Amélie, encore une fois, deux fois de suite quand même. Ah mais la mise en attente, j'ai bien aimé. Hein. Ah ouais, la mise en attente était quand même pas mal. Éviter de détruire des couples. Ouais. À la limite, quand ça arrive, pour le coup, c'est la première fois que ça arrive, mais quand ça arrive, tu changes ton fusil d'épaule, tu dis tu refais la même chose, mais avec le mec, c'est genre c'est fini entre nous, enfin tu vois. Ouais. Mais bon, d'accord. C'est fait. Bon, on y va, Adeline, à toi de jouer. Il faut faire mieux qu'une minute. Combien? 18. 37. 37. Mieux qu'une minute 37, Adeline, d'accord? Ouais. Allez, vas-y, bonne chance. À moins que tu veuilles t'abandonner. Votre correspondant ne souhaite pas recevoir d'appels anonymes. Ah, ils me font chier avec leurs appels anonymes. C'est dingue ça. Il ne veut pas recevoir d'appels anonymes. Déjà, elle pourrait s'acheter une voix là. Ils se prennent pour des stars, genre. Bon, allez, vas-y Adeline, on y va, c'est parti. Ouais. Allez, bonne chance. 1 minute 37, c'est chaud, mais bon. Ouais, mais ça reste jouable. Oui, c'est jouable. On a déjà fait 7 minutes 30, hein. Oui, c'est vrai. Allez. Dernier appel. Tu en auras Pharrell Williams pour toi, Adeline. Ah, c'est bon. Mais de rien. Allô? Allô? Oui? Oui, allô. En fait, je t'appelle parce qu'il faut qu'on parle. Là, ça va plus, c'est plus possible entre nous. Je savais pas comment t'expliquer ça, mais... Mais je pense que vous trompez le numéro, là. Mais non. Non, c'est pas comme si on se connaît. Ça a duré longtemps. J'étais bien avec toi. C'était vraiment quelque chose de bien. Hein. Je dis pas le contraire et je veux pas que tu le prennes mal. Je veux pas. C'est déjà assez difficile comme ça. Mais franchement, c'est plus possible. Je me suis rendu compte qu'en fait, t'es une amie quoi. Ça pourra pas aller plus loin. Je t'apprécie vraiment, mais énormément. Elle gère. Voilà, c'est vraiment amical. Non, mais même si j'ai passé vraiment des moments, comme je t'ai dit, hein, vraiment extra avec toi, c'était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais c'est vraiment plus possible. Enfin, elle arrive à bien virer les mecs. En fait. C'est plus fort que moi. Excusez-moi, je pense que vous vous trompez de numéro de téléphone. Là, je ne vous connais même pas. Mais bien sûr que si, on a passé 2 ans ensemble. 10. Oh, attention. C'est ma plus grande histoire quand même. Hein. J'ai jamais réussi à rester autant de temps avec quelqu'un. T'es vraiment quelqu'un de bien. Tu mérites vraiment de trouver quelqu'un qui te rendra heureuse. C'est beau. Qui saura te faire apprécier tout. Ah j'adore. Enfin. Tu vois, elle est partie. Oh non. Elle est partie. Oh là là. Amélie. Oui. T'avais fait 1 minute 38. Adeline, tu as fait 1 minute 22. Oh merde. Bravo Amélie. C'est dommage parce qu'elle avait vraiment la classe, sa rupture. Ouais. C'est un exemple. C'est vrai, bel exemple. C'est beau. Faut le dire. Ouais. Faut dire les choses en tout cas. Vous avez bien, bien, bien joué. Mais ça, c'est les filles. Les filles jouent toujours mieux que les garçons. Ouais. Les garçons, c'est hey, je t'emmerde, mais tu es enculé. Salope, les gars, c'est colasse. Alors que les filles, c'est plus dans la douceur, c'est plus dans la recherche. Ouais. T'as vu? Eh, franchement, Adeline, on a bien vu comment tu virais tes mecs. Hein. Ouais. Non, mais tu sais, c'était ma plus belle histoire avec toi. Je me souviendrai de toi toute ma vie. Blablabla. Comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Un petit, hein, voilà. Voilà, c'est ma plus belle histoire. Toute ma vie, je me souviendrai de la première fois avec toi, parce que c'était tellement beau. Ah oui, c'est tellement magnifique. Oh, donc là, c'est là. Comme ça que tu vires tes mecs alors? Ah non, non, non, du tout. Non, elle fait. En vrai, non, non. Non, tu, voilà, tu dis, SMS, attends, attends. C'est fini. Attends, attends, mise en situation, imagine t'es avec Toff, c'est ton mec. Je sais c'est difficile à imaginer, mais fais un effort. T'es bon, avec ton mec, t'es avec... chaussettes sales. Voilà, t'es avec Toff, là, on... vous êtes en couple. C'est dur, je sais, hein, je t'avais prévenu. Et tu le, ouais, tu, ouais, tu dois le virer. Fais, fais comme si tu virais un mec, un de tes mecs, voilà. Allô, maman. Ah, mais franchement, ça dépend des personnes. Après. Mamour. Ah bah oui. Non, oh, là, mal, carrément. Oh, là, là, là. Bah oui. Bon, imagine, c'est ton pire des mecs, tu le vires. Mais, ah, mais vas-y, lâche-toi, fais-toi plaise, n'aie pas peur. Hein. Ah, mais je lui dirais d'aller se faire enculer. Ah bah voilà. Ah bah. Et bah c'est parfait. Attends, merci beaucoup. Attends, et si on le refait, et si on refait, et si on le refait comme ça? Bah, c'est quelqu'un de gentil, hein, mais voilà. Ça se termine. Tu peux pas me faire ça. Ouais. Attends, elle va t'envoyer un message à Céline Patrick Breuil si tu veux. Ah bah avec plaisir. Bah, là, ça me rappellera des souvenirs. Bon bah bravo en tout cas Amélie, bravo Adeline quand même puisque vous avez toutes les deux bien joué. Vous retournez quoi qu'il arrive au standard. Amélie, on va prendre tes coordonnées pour le cadeau, okay. Évidemment. Je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous toutes les deux. Je vous merci, embrasse les filles. Gros bisous. Salut, à bientôt. Salut, bon, on va parler de ce que vous avez déjà balancé, enfin pas balancé, de ce... De ce à quoi vous avez déjà pensé en faisant l'amour à votre copain, mesdemoiselle, puisqu'on est tombé sur une enquête qui ne vous met pas forcément à l'honneur. Non, c'est moins compliqué. Ne vous met pas sur un piédestal, mesdemoiselle, puisque vous êtes nombreuses à avoir déjà pensé à qu'il termine vite, puisqu'il y avait Top Chef qui allait finir et que ça vous aurait fait chier de rater la finale. De penser à Johnny Depp, à George Clooney, par exemple, pendant que votre copain était au-dessus, en train de faire le maximum pour vous donner du plaisir. Ou inversement, il vous donnait pas de plaisir et donc du coup, ben... Il a fallu penser à autre chose. Simuler. Et puis après, il y en a qui pensent aussi en disant « Merde, j'ai fait semblant que je kiffais pendant une minute, du coup maintenant je suis obligé d'aller jusqu'au bout. » C'est, oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, mais c'est comme ça. Il y a aussi « Suis-je mieux que, mon, que son ex, etc. »« Mon plaisir d'abord et avant tout, etc. etc. » Donc appelez-nous, 01 42 48 5000, on va en parler. 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va prendre Océane, on va prendre Charlotte et on va prendre Sidali dans quelques minutes pour en parler. Nous aurons également Sidali. Les teubés de la télé. Et puis nous allons bien entendu aussi... Eh ben écoutez, pour faire plaisir comme promis à Adeline, je l'ai promis, je n'ai qu'une parole. On se fait le son de Pharrell Williams maintenant. Au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio avec Marilyn Monroe. On aura d'autres vannes sur les blondes hein, dans quelques minutes hein. Restez bien sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limite, 23h-2h la semaine, 20h minuit tous les dimanches soirs. Et continuez à balancer tous vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Vous venez nous rejoindre, tapez Mickaël officiel. Merci beaucoup tout le monde. Marilyn Monroe, c'était Pharrell Williams sur Fun. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et puis vous restez là, hein, puisqu'il y aura Pitbull dans quelques minutes sur Fun Radio. Avec Gino, We Are One. Et je vous calerai toujours mon son préféré pour l'instant, la Avicii, Lay Me Down. Voilà, donc si vous voulez écouter des sons en particulier, bah, n'hésitez pas, hashtag Mickaël, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Vous pouvez aussi demander sur le Facebook de l'émission, il y a Margot qui dit salut toute l'équipe, je vous suis depuis peu et c'est des barres de rire chaque soir, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue s'il vous plaît? Évidemment. Eh moi j'étais mort, gros pédé, je vais t'enculer, fils de putain de bâtard, t'es mort. Hein. Voilà, donc c'était vraiment un des plus soft qu'on ait eu. Oui. Alors désolé, parce que c'est vrai que quand il y a des filles qui demandent un message de bienvenue, c'est toujours, ils insultent toujours un mec. C'est toujours au masculin, mais c'est parce qu'ils insultent toujours Toff hein, là-bas, c'est pour ça. Donc, mais on peut le faire, vous l'imaginez au féminin, ça marche aussi bien. Maëva aussi, Mickaël, j'ai droit à un message de bienvenue, je t'ai ramené 23 personnes, c'est bon ça, ah, c'est Maëva. Ça, c'est du bon boulot, Maëva, hein. T'es une des meilleures là ce soir, enfin ce soir, de tous les temps. Quelqu'un qui a ramené autant de personnes d'un coup, je ne me souviens pas de ça récemment. En tout cas, bravo Maëva, et bien sûr, message de bienvenue. Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Il était très sympathique aussi celui-là. Adorable. Je vais t'en mettre un petit deuxième parce qu'il était court. Va te faire enculer, va enculer ta mère je la baise, par trouler tout, hein. Elle aime la bite. Oui, on rigole avec Arien, oui, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Bon, et message de Margot aussi, salut toute l'équipe. Ah oui, je l'avais déjà lu, pardon, tant pour moi. Salut la team, c'est Ludo, content de vous écouter toute la nuit. J'aimerais faire une dédicace au groupe sur Facebook RDB et aux routiers également de la night. Eh ben, on embrasse tout le monde et puis voilà, le groupe est passé, il n'y a pas de souci. On va se faire, avant de parler évidemment avec Océane, Charlotte, Sidali et Olivier de ce que vous avez déjà pensé pendant que vous faisiez l'amour avec votre copain ou votre copine, eh bien nous allons évidemment parler maintenant de des teubés de la télé. Et c'est dans Enquête d'action, il y a un gamin qui fait le malin avec une gendarme, mais dès que maman arrive, on change de ton. Hein. Vous n'élevez ce que je veux ? Non, pas vraiment, vous n'élevez pas la voix. Vous êtes encore mineur. Mais j'en ai rien à foutre de ça ! Je travaille moi et ça vous va. Vous êtes encore mineur, vous vous calmez. Mais je ne me calme plus le fait que je sois mineur, vous me cassez les couilles là. Eh, vous restez non, poli. Vous pas comme... Non, vous parlez pas comme vous... Non. Non, non, non, non. Vous avez vu le ton que vous employez? C'est le ton que je veux. Ça suffit. Ah ben moi, je ne parle pas mieux comme ça. Moi, ça me suffit. Ça suffit, maman. Ça me tu manques pas de respect. Lâche-moi. J'arrête. Je t'excuse. Non, c'est bon. Ah oui, je m'excuse à la fin. On n'avait pas trop bien compris parce que c'était une voix masquée, mais effectivement, sur la fin, elle dit quand même je m'excuse. Alors qu'avant, ouais. J'en ai rien à foutre, vous me cachez les couilles, allez, allez, j'en ai rien à foutre du fait que je sois mineur. J'aime bien, tu parles pas comme ça devant ta mère. Je m'excuse. Oui, oui, je m'excuse. Bon, on dit que les mecs parlent mal des filles, hein. J'ai la preuve que c'est totalement faux, évidemment. Cathy a fait la connaissance de Sébastien dans un cours de salsa et l'a très vite choisi comme son objet de plaisir. C'est quelqu'un qui s'adapte à mes envies, à mes besoins. On peut jouer avec, comme avec un sextoy. On peut jouer avec. La chaleur d'un homme en plus, quoi. Est-ce que c'est pas un peu dur de s'entendre dire qu'on est un sextoy ? C'est un peu bizarre, quoi. C'est vrai que ça fait un peu... On vient pour être sextoy de la femme, quoi. Et nous, quand on veut appeler ou autre, bah souvent, ouais, mais non. Donc bon... On dit oui ou non, mais c'est nous qui avons le pouvoir. Mais oui, c'est vous qui avez le pouvoir. En plus, elles le savent en même temps. Eh ouais. Bon, et puis dans Qui veut épouser mon fils, une des mères explique ce qui est important dans la vie. Tu sais, Florie, je crois que c'est le jour où on a envie de s'engager dans une relation sérieuse, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Et savoir ce qu'on veut. Les bonnes questions, je veux bien, mais le balai... Mais le balai fait partie de la vie. Parole de Francine. Eh ouais, le balai fait partie de la vie. C'est pas nous, Francine. C'est pas nous qui l'avons dit pour le coup. Bon, allez, avant de refaire les appels malveillants dans une petite vingtaine de minutes, on était tombé sur une enquête qui disait, eh bien, que les femmes pensaient très souvent à autre chose qu'au sexe pendant qu'elles faisaient l'amour avec leurs copains. Il y a eu quelques exemples qui ont été donnés, bien entendu. Hein. S'ils se dépêchent, je pourrais voir la fin de Top Chef. Mon plaisir d'abord et avant tout. Elles pensent parfois à Johnny Depp ou à George Clooney. Elles pensent aussi à s'il peut finir. Vite pour que je finisse mes tâches. Qu'est-ce que j'ai eu comme rendez-vous aujourd'hui? J'en avais vu un aussi qui était rigolo. C'était on mange quoi ce soir? Chinois ou italien? Ouf, je mange chinois demain avec mon père, donc autant manger italien. T'imagines pendant qu'elle est en train de se faire par son mec. C'est quand même très classe. Tu m'étonnes après qu'elle monte pas la meuf. Bah c'est ça. Bon, Océane qui habite. Oula, j'ai fait de la merde. Océane qui habite à Bar-le-Duc, 19 ans. Océane, t'es là? Oui. Bon. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que tu as déjà pensé à quoi, toi, pendant que tu faisais l'amour à ton copain? Bah, c'est con, mais moi, quand je fais ça, bah, je pense à mon chat. Hein? T'es pas sérieuse? Ah si, je m'imagine mon chat en train de me lécher le clito. Non, mais tu penses pas à ça Non, si, je suis sérieuse, parce que, en fait, moi, je suis une personne qui sort pas beaucoup de mon appart, et ouais. Quand je sors, c'est pour aller voir mon copain. D'accord. Et du coup, mon chat, il reste tout seul. Oh, pauvre minou. Pauvre minou. Bah oui, qu'est-ce qui devient tout seul, le pauvre minou? Bah oui. Bah, une fois, quand je suis rentrée, en fait, mon chat, il avait fait des bébés. Oh, ah oui, mais enfin, tu l'as pas vu qu'il était en cloque, le chat? Je croyais, mais j'étais pas sûre. Non, bah attends, tu le vois quand même, le chat, il est hyper gonflé quand il y a 4, 5, 6 chatons à l'intérieur. Je veux dire, ça se voit quand même. Oula, t'as un putain de gros chat. Non, il n'y en avait que deux des bébés. Ouais, les autres, il les a perdus. Oui, il n'y en avait que deux. Oui, alors, ça se voit peut-être pas autant. Et donc, du coup, toi, tu penses à ton chat pendant que tu fais l'amour. Bah, il va être content, ton mec, s'il l'entend, tiens. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, depuis, ça m'inquiète parce que j'ai peur qu'il lui arrive des trucs dans le genre. À qui, au chat? Oui. Et qu'est-ce qui lui arrive? Bah, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai un chien aussi, des fois, qui bouffe les bébés. Ah, que le chien le bouffe? Ouais, ou les bébés, plutôt. Bah oui, mais ça c'est la vie, c'est la nature. Loin, après tu verras, mais toi tu te fais trop chier. Ah, en parlant de chat, il est encore arrivé un truc à Omnia. Ah, qu'est-ce qu'il a encore fait? Ah, l'histoire, enfin elle, hein, parce que c'est une fille, elle est complètement con, hein, mais c'est une fille, elle s'appelle Izzy. Et donc elle était en train, bon, si tu veux, il y avait une mouche. Normal. Et elle déteste les mouches, apparemment. Et donc il y avait une mouche qui était en train de voler, qui faisait, il la faisait chier. Son et travail, puis, quoi. Voilà, c'est ça. Elle était sur la table. Bon, là, elle doit pas se trouver. Bon, enfin bon. Donc elle était sur la table et elle a la tête en l'air. Elle tourne pour essayer de choper la mouche. Et puis forcément, ouais, elle a oublié que la table n'est pas infinie. Pouh. Oh, pauvre petit chat. Mais il est complètement con. C'est-à-dire qu'elle veut se suicider, j'ai l'impression. Non, elle est con. Elle est juste con. Une mouche. Non, de mouche. Pourquoi tu aimes bien les mouches aussi? Non, j'aime pas, justement, ça me fait comme si j'en avais plein le visage, ça fait bizarre. Ah oui. La drogue, c'est mal, hein. Ouais, la drogue, c'est mal. Je l'avais déjà dit, mais. Alors, attends. Parfait, c'est bon. Tu vois, je suis meilleur que le chat, finalement. Bon, attends, reste là, c'est Anya. Charlotte avec nous, là, des Vosges. Charlotte, t'es là? Oui, je suis là. Tant mieux. Alors, Charlotte, toi, tu penses à quoi pendant que tu fais l'amour à ton copain? Alors, enfin, je pense, c'est plutôt la question que je vais poser. Tu penses à quoi pendant que ton copain te fait l'amour? Oui, c'est ça. C'est... Puisque si tu penses à autre chose, c'est que techniquement, t'es pas forcément super concentré. Eh ben, je pense le truc le plus classique qui a déjà été dit. Ça m'est déjà arrivé de penser à mon ex. D'accord. Ah, oui, bon, à la limite. Au début, après, à la limite, une longue relation, que... c'est normal aussi. Quoi. Oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que j'allais dire. Parce que t'as toujours au moment des points de repère, des points de comparaison. C'est pas méchant. Une souture. Non, enfin, ça j'espère pas pour la fille. C'est pas méchant. Ouais. Voilà. Et donc après, quoi d'autre? Aussi, une fois, c'est à ma belle-mère. Parce qu'en fait, elle m'a passé un coup de téléphone l'après-midi qui m'a bien énervée. Ça m'était resté en tête. Et en fait, j'avais pas tellement envie. Du coup, c'était plus pour faire plaisir à mon copain. Et en fait, mais j'étais pas du tout à fond dedans, quoi. J'avais l'histoire de ma belle-mère en tête. Et c'est vrai, mais est-ce que lui était pas à fond? Lui, il a rien vu. Hein. Oh, bon, bah, ça va. Tu es une bonne simulatrice. En fait, t'étais en train de te dire, putain, cette connasse de belle-mère qui m'a fait chier tout l'après-midi, et moi, je suis en train de rendre service à son fils. Donc, indirectement, tu rends service à la belle-mère. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est complètement barré. Hein, ah ouais, là, t'es allé loin, là. Bah, oui, très, mais au final, c'est ça. C'est vrai. Ah oui. Ok. Voilà. Non, d'accord. Je prends un exemple. Oui. Exemple, pas de voiture. D'accord. Je prends un exemple, vous êtes avec un voisin. Vous supportez pas le voisin. Vous passez chez Julien Courbet. Non. Ah. Oui, non, enfin oui, peut-être. Vous supportez pas le voisin. Le voisin a un chien. Oui. Et il vous demande si vous pouvez aller le promener. Ça fera plaisir au chien. Oui. Mais ça rendra service aussi au propriétaire du chien, au voisin. Que vous ne supportez pas. Moralité, qu'est-ce que vous faites pour emmerder le voisin? Vous ne sortez pas le chien. Alors que ça aura fait plaisir au chien. Bah oui. Elle est bien l'histoire ou pas? L'idée. Bon, l'idée, elle est sympa. Oui. Mais moi, non, c'est vrai. Voilà. Bah, écoute, franchement, moi je trouve qu'elle est belle. Alors que t'aurais pu emmener le chien se promener dans la boue et le ramener père à la maison. Comme ça, le chien était heureux et le voisin était dégoûté. Oui, c'est vrai, vu comme ouais, ça, effectivement. Tu as quand même sorti le chien. Ouais, mais bon, au final, t'as rendu c'est service, naze. Mais après, c'est une galère. Donc, non, l'idée n'est pas mauvaise. Et Charlotte, jamais t'en as parlé avec ton mec que parfois tu pensais à autre chose? Non, après, ça dépend. Il y a des moments, ça peut être, on va dire, suivant aussi l'ambiance, ça peut être, on va dire, penser à d'autres choses. Je sais pas, on va dire, pour m'exciter moi, quoi, tout simplement. Ah, donc tu penses à des animateurs radio. Ouais. Voilà, d'accord, beau, ok. Fort, très bien. C'est ça. Ouais. Ah non, mais bon, on est bien, nous aussi, on a le droit, je sais pas, il n'y a pas que les mecs qui ont le droit d'avoir des pensées un petit peu. Ah bah bien sûr, non, mais t'as raison. Il y a Megumi sur le Twitter qui dit: moi, pendant l'amour, je pense qu'à toi, Mickaël, ou à Kylie Cuoco. Ah oui, bah oui, ouais, Kylie Cuoco en même temps, c'est normal, hein, c'est-à-dire que qui ne peut pas penser à elle? Fille ou garçon, je pense que. Non, elle est pas mal. Ah bah non, c'est pas qu'elle est pas mal, c'est-à-dire qu'on est, on est genre, au top là. Elle est pas mal, mais. Bon, ouais, c'est genre. Il y a mieux. Elle est pas mal, mais moi, je me suis déjà tapé mieux. Ah, ouais, grave, même dans tes rêves. T'arriveras jamais à taper le dixième du millième, du cent millième de Kylie Cuoco. Non, moi je me tape des bombes de meufs. Bon, chez les manchots unijambistes. Mais... Ouais, voilà, c'est ça, voilà. C'est surtout ça. Ouais. Bon, et alors elle dit, je pense aussi, ou à vous deux en même temps, c'est mieux. Ouais, ok, d'accord. Elle a vraiment des fantasmes bizarres. Hein. Non, mais c'est bien, elle pense à Kylie Cuoco et moi-même. Je pense qu'elle mange trop de riz, Megumi. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible aussi, ouais. Bon, attends, reste avec nous, Charlotte. Il y a Sidali également qui est avec nous dans les Ardennes. Salut Sidali. Salut, ouais, ça va encore? Ça va et toi? Juste, ouais, tranquille. Ça se prononce comment, ça? Bah, Sidali. De quoi? Sidali, c'est en deux? Non, c'est, ouais, en deux et en un. Moi, c'est écrit en un mot direct. Ah ouais, Sidali, donc ça, je prononce bien. C'est Sid et Ali à côté. Non, c'est Sidali. Ouais, Sidali, mais ça s'écrit en deux. Il y a deux parties. Des fois, c'est en deux. Des fois, ça s'écrit en un mot. Des fois, en deux mots, tu vois. Ah, d'accord, ouais. C'était cinq d'Ali ou pas? De quoi? 8 minutes. Non, il a fait une vanne de merde, je viens de le mettre au coin. Mets-la un coup de pelle, pelle. Ah bah attends, hop là, attends, je lui mets un coup de pelle en même temps. Voilà, et en plus de ça, il est au coin pendant une minute, il ne peut plus parler et ça fera des vacances à tout le monde. Bon, alors, Sidali, qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Tu voulais nous donner ton avis par rapport à, bah, par rapport aux filles qui pensent à autre chose pendant qu'elles font l'amour avec leur mec, ou est-ce que toi, tu penses déjà aussi à d'autres choses? Ouais, moi, je délire, je pense à un autre truc. Moi, le truc, c'est quand je fais l'amour à ma meuf, ben, je pense à ma FIFA. Tu penses à qui? Je pense à ma factrice. Pourquoi, elle est bonne, ta factrice? Oh, franchement, c'est un cheval, elle est trop bonne. Ah ouais, bah, donc tu dis c'est un cheval, toi. C'est un cheval. Elle est trop bonne, elle a un peu petite en taille, yeux verts, des longs cheveux bien lissés. Elle vient en mini-jupe, franchement, c'est une bombe atomique. Attends, ta factrice vient en mini-jupe? Ouais, mais c'est une factrice, hein, c'est un petit village où j'habite, elle fait les... Elle donne les trucs et tout, franchement elle est trop bonne, franchement c'est un truc de dingue. Bah écoute, justement j'ai un courrier à poster, donc on ira demain dans les Ardennes pour le poster, hein. Non, viens, y'a pas de problème. Bah oui, attends, moi, t'inquiète, pas de soucis, attends, t'inquiète. Tu m'étonnes. Et pourquoi ta meuf elle est pas bien? Si, elle est bien et tout, mais je sais pas, franchement, quand je la nique, je sais pas, je pense à ma factrice, franchement je sais pas. Ouais, en tout cas t'as la chance, parce que moi je peux te dire que mon facteur il est pas très beau. Ouais, même pour une fois que c'est pas le facteur, c'est la meuf. Oui, c'est ça, ouais. Déjà c'est pas une factrice, ouais. Chez moi c'est le facteur, je peux te dire que... C'est pas facile. D'ailleurs, en général, je me cache quand il arrive. De toute façon, il n'aborde que des mauvaises nouvelles. Oui, ça s'appelle les recommandés. Ça s'appelle les recommandés, exactement. Donc, je préfère ne pas le croiser trop souvent. Ouais. Voilà, ça aurait été une big abonnage, j'aurais fait l'effort. Là, quand même, j'essaie de me planquer un maximum, évidemment. Ah, bah, c'est pour ça, moi, je lui dis que j'habite plus là. Bah, c'est ça, c'est mieux, ouais. Bon, en même temps, t'habites pas vraiment chez toi. Non, c'est ça, c'est pour ça, donc. Bah, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, bah, merci Sidali, merci Charlotte et merci Océane. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci. Eh, moi, de gratter un petit maillot de foot ou quoi? Ah, pas encore, Sidali, ça va arriver, je crois, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, normalement, les maillots de foot qui arrivent. Ok, on a fait du rappel de toute façon. Eh bah, ben, très bien, tu seras le bienvenu, Sidali, y'a aucun problème. Salut à toi, ma gueule, ciao à toi. Charlotte, et tu voulais dire? Oui, non, c'est Océane, tu voulais dire? Je pourrais avoir un pack fun, s'il te plaît? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, y'a pas de problème. Ok. Salut, à bientôt, Océane. Gros bisous, Charlotte, merci d'avoir appelé. Gros bisous. Je t'embrasse, ciao. On aura Olivier dans un instant pour parler de ça, justement, là, à quoi votre copine a déjà pensé pendant que vous faisiez l'amour, ou plutôt si vous êtes une fille, à quoi vous avez déjà pensé pendant que vous faisiez l'amour avec votre mec. Vous nous appelez 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a déjà mis Pitbull et Gilo? Non. Non. Ah non, c'est Pharrell Williams qu'on a mis. Eh ben, oui. On va le mettre maintenant, tiens, c'est parti. Pitbull, Gilo, maintenant sur Fun Radio, c'est We Are One. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et puis restez, il y a Avicii qui arrive là dans quelques minutes sur Fun Radio, dans moins de 10 minutes. Avicii avec Lay Me Down, on est toujours évidemment au cœur du Nord sans pub, au cœur de la nuit sans pub. Oh là là, je m'emballe là, oh là là, au cœur de la nuit sans pub. Avec Avicii qui arrive, il y a Bully Bill sur le Twitter qui dit message de bienvenue s'il vous plaît. Vous êtes au top l'équipe. Bah merci, c'est gentil ça. Tu vois un bonhomme en face de toi, ce qu'il va te faire? Il va te niquer toi et ta mère et puis ta bande de connards. Eh ben voilà, très sympathique comme vous l'avez remarqué au demeurant. Hein, très gentil, très serviable, bref. Adorable. Il y a un message aussi qui est arrivé, il y a Ginka, qui dit salut l'équipe, salut les tweetos, de retour sur Twitter après quelques mois d'absence, passe le son de Happy Mickaël. Ah bon non, j'ai déjà mis l'autre tout à l'heure, la merde, bon bah tant pis, j'ai déjà mis Marie Monroe. Il y a Aurore qui dit, moi avec mon ex, une fois j'ai pensé à la liste de courses en faisant l'amour avec mon ex. Ah sympa ça, la liste de courses. Il devait être content. Bah, et en même temps, il est pas censé le savoir, mais bon. Il y a Christophe. Ah oui, retour avec les vannes sur les blondes. Que fait une blonde dans un champ de riz? Elle cherche Uncle Ben. Ça, voilà. C'est bon, ça. Ouais. C'est Lizzie qui dit, c'est deux blondes à la laverie. L'une découpe sa jupe à carreaux et l'autre lui dit, pourquoi elle répond, faut séparer les couleurs. Ah oui, d'accord. Oh là là là. Diane aussi, Michael, je suis nouveau, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Bah bien sûr, il n'y a aucun problème, petit message de bienvenue. Ça te plaît, cochon petit, enculé, écoute-moi bien petit enculé, si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule, je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux, au baltringue que tu es. Voilà, tu as même eu la version totale, hein, t'as vu, c'est quand même plutôt pas mal longue. Ça. Ah, version longue. Delphine qui dit, je pense évidemment à toi Michael à chaque fois et ça marche plutôt bien. Oh merci Delphine. C'est normal. Bah oui. Tu sais que même parfois quand je nique, je pense à moi. Bah tu as raison. Bah écoute, c'est beaucoup plus pratique. C'est Lydie. Ah non, je l'avais déjà lu, autant pour moi. Il y a Léo qui dit, blague sur les blondes, comment sait-on qu'une blonde est passée au frigo? car il y a du rouge à lèvres sur le concombre. Voilà. Léa qui dit même pas une dédicace. Bah c'est-à-dire Léa, je comprends pas ta question. Fan de Fun qui dit je veux devenir une doux officielle. Eh ben appelle-nous Fan de Fun, tu passes à l'antenne, tu deviendras une doux officielle. Et Apolline, aujourd'hui c'est mon anniversaire, 17 ans, il y a moyen d'avoir la petite chanson. Bah évidemment, une petite chanson pour toi, sans problème Apo. Bon anniversaire Apolline. T'as pas de vanne taf Apolline, non? Non, pourquoi tu... À qui Apolline? Oh non, non, ah bon. C'est trop facile ça. Oh bon, on sait jamais hein. Oh. Voilà, bon anniversaire à Pau. 17 ans donc. Et puis Marc, il dit encouragement pour l'histoire des arts demain. Allez, bonne chance à toi Marc, ça va bien se passer. Et puis au pire, oui, l'année prochaine. Au pire, tu recommences. Bah et Snorky55, salut l'équipe, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je peux avoir la zig pour me consoler d'avoir le même âge que la tête de con de Toff. Merci la team. Mais il a pas 34 hein? Non, si, enfin presque. Comment ça presque? Bah non, t'as eu 33, il est con. Oui, enfin, je vais avoir 34 cette année, quoi. Oui, tu vas sur 34. Oui. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Eh bah, Snorky, bah, du coup, je vais te la mettre, la chanson. Bah, bon anniversaire à toi, Snorky. Et Laura qui dit, bonsoir, je suis en retard, un coup de pelle. Ah, bah oui, je te confirme, Laura, là, hein. Là, t'es plutôt en retard, je te le confirme. On va se faire le défi 30 jours dans quelques minutes. Et ça va, je me sens en forme, je pense que t'es chaud, le faire. Là. T'es chaud. Bah, chaud, je sais pas, moi, je reviens 60 secondes, hein. Non, mais je reviens de convalescence. Ouais bah justement. Voilà, je me suis pété le dos, ouais, donc bon, vrai, ouais. J'essaierai de tenir au moins 30 secondes. Enfin, j'essaierai de tenir 60, mais j'essaierai quand même au minimum de faire 30 puisque vous avez déjà un entraînement depuis la semaine dernière. Oh non, tu parles d'un entraînement. 20 secondes, super 20 dur. Secondes, 30, 30, 45 et maintenant 60 secondes. Donc c'est un entraînement que vous avez eu l'occasion de faire. Mais le gainage, je pense que c'est bien, mais on n'a pas fait d'abdos avant, donc on gaine rien. Bah oui, c'est pas faux. Mais enfin surtout Toff, parce que bon, comme il est dépourvu de muscles. C'est ça. Mais c'est peut-être le seul moment où ils vont apparaître. Peut-être. Mesdames et messieurs, ce corps n'a jamais connu le muscle. Exactement. Aucun muscle n'est apparu. Regardez. Exactement. Ça. Exactement. C'est free muscle. Ouais. Ça, c'est muscle free plutôt. Et c'est ça qui est beau. C'est vrai, c'est vrai. Enfin beau, je ne sais pas, je n'irai pas jusque là, mais bon. C'est ce qui me rend extraordinaire. Bon, avant de donner la réponse à la colle, on fait une petite dernière, annonce là. Toujours là, Mathieu? Toujours. Bon, allez hop, on va se faire les appels malveillants dans quelques instants avec Toff. Ah. Bon alors, vas-y Mathieu, fais péter la colle une dernière fois avant qu'on appelle le ou la gagnante éventuelle. Ok, je réfléchis tout le temps et pourtant je ne pense jamais. Qui suis-je? Je réfléchis tout le temps et pourtant je ne pense jamais. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien tant mieux, c'est déjà un pas en avant pour gagner l'iPod Nano, dernière génération d'une valeur de 180€. Et donc si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse, envoyez ça au 64 900. Au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer en allant sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Et en plus, c'est gratuit. Vous allez pouvoir lire la colle. Et du coup, on donne la réponse après les appels malveillants. Tu restes là, Mathieu? Pas de problème. Très bien, parfait. Tiens, t'as déjà fait des conneries, Mathieu, avec ton téléphone portable? Genre un truc pour essayer de le récupérer au risque de ta vie ou en tout cas au risque de te faire mal pour essayer de récupérer l'appareil? Pas vraiment, non, vu que j'ai un portable assez pourri, je préfère le garder. Oui, on l'entend, hein. Et vu comme ça, oui, c'est vrai que le son n'est pas exceptionnel, mais bon. Non, je vous posais la question, déjà, je veux savoir si ça vous est déjà arrivé, vous, justement, de faire un truc qui est, ou voilà, où vous risquez votre vie, ou en tout cas, vous risquez de vous faire mal, un truc dangereux pour essayer de récupérer, alors, votre téléphone, ordinateur, iPad, tablette, enfin bref, n'importe quoi, mais je veux dire, un truc où vous avez quand même mis votre vie en danger pour le récupérer. Je dis ça parce qu'en Chine, il y a un mec qui a fait tomber son téléphone dans une fosse septique. Bah, jusque là c'est dégueulasse. Oui, donc, il est parti le chercher, sauf qu'il a fait un malaise à cause des odeurs. Normal. Sa meuf a donc essayé de le sauver, mais elle a fait un malaise aussi. Résultat, ils sont morts tous les deux. Oh, oh non. Juste pour ceux qui savent. Enfin, c'est pas drôle dans l'idée, mais bon, les pauvres chinois, mais c'est juste qu'ils sont morts tous les deux dans une fosse septique, quoi. Pour les doux, hein, la fosse septique, c'est une réserve qui récupère toute la merde quand il n'y a pas d'évacuation pour les égouts. Exactement. C'est un truc de décantation. Très bien. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une espèce de citerne où. La merde attend. Où toute la merde est dedans, en fait. Enfin, grosso modo, c'est ça. Donc, venez nous dire si vous êtes accro à vos téléphones et si vous avez déjà pris des risques pour le récupérer. Donc, en l'occurrence, toi, non, Mathieu, on a bien noté. On te récupère dans quelques minutes pour donner la réponse à la colle, d'accord? Pas de problème. Bon, on aura Max dans quelques minutes, Terence également, Olivier qui voulait réagir par rapport à l'amour, justement, par rapport aux appels malveillants. Olivier, t'es là de Brest? Ouais, je suis là, salut la famille. Oui, ça va bien? Salut. Impeccable, ça roule, ouais. Bon bah, tant mieux. Et t'as, t'as déjà fait des conneries, toi, pour récupérer ton téléphone? Bah, moi j'ai plongé carrément dans le port quand je pêchais, en faisant un lancer avec ma canne, mon téléphone est tombé, j'ai plongé, mais bon, je suis pas con, parce que bon, je suis un breton, je sais nager. Et l'eau était heureusement à Brest et c'était l'été. Ah bah ça va, t'as eu de la chance. Du macro, Tu t'es fait attaquer par un poisson rouge ou pas? Non, pas encore. Ouais, bah, ça va alors. Une sirène. Elle m'a fait l'amour. Oh, magnifique. C'est beau. Magnifique. C'est pour ça que je n'ai pas croyé que j'étais mort à un moment, mais j'étais parti pendant 5 minutes sous l'eau. Quoi. Ah, c'est ça, bon. Voilà, forcément. Il y a un moment où il faut profiter. Une sirène, ça n'arrive pas tous les jours. Bon, Olivier, toi, tu voulais réagir par rapport à l'amour et à ce que tu as, à quoi tu as déjà pensé en faisant l'amour à ta femme ou inversement? Ouais, à quoi je pense? Parce qu'en ce moment, moi, ça a été un peu. Est-ce que tu peux ne pas crier dans ton téléphone? Ouais, d'accord. Attends, voilà. je coupe le haut-parleur. Attends. Ah ben voilà, oui, couper le haut-parleur. Alors que Sandro t'a dit qu'il fallait couper le haut-parleur. Voilà. Oui, ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Vas-y, voilà. Vas-y. Donc moi, si tu veux, c'est un truc de fou. Et puis je suis pas le seul, toi, je parle aux potes. Si tu veux, les filles de maintenant, bon, elles ont 16 ans, tu sais même plus leur donner d'âge. Tu leur donnes la majorité, certaines, tu leur poses la question. Ouais. Bon, ça dépend lesquelles, mais oui, il y en a. Avec une meuf de 16 ans, ça reste une meuf de 16 ans. Bah, c'est vrai, il y en a qui ressemblent. Il y en a qui ont 16 ans et qui ressemblent à des meufs de 18, 20 ans. Non, mais d'accord, mais c'est pas la majorité. Allez, écoutez, en fait, la majorité, mais bon. De 16 ans. Oui, mais bon. Espèce de pervers, va. Mais il y en a qui ont. Quand je vais au boulot, ouais. Bon bah, je vois les choses, et après le soir, bon, je suis avec ma copine, tranquille, elle bosse de nuit, elle est infirmière. Et bon, des fois, elle est en pause, donc je suis avec elle. Et ouais. je me remémore, ça, c'est dingue, je peux pas, tu sais, je me remémore certaines meufs, et quand je suis avec elle, bon, des fois, on fait ça dans la nuit, quoi, donc je la vois pas. Et je pense à des meufs que j'ai vues, quoi. C'est un truc de fou, et ça me gonfle, parce que je suis sûr que dans le temps des nanas que je vois, c'est des gamines, quoi. Mais elles s'habillent comme des... Voilà. Oui, mais non, mais d'accord, mais donc c'est juste un fantasme, Gotha. Ouais, c'est juste que tu trouves la fille jolie et que voilà. Mais elle s'habille, je sais pas, j'aurais une fille. Bon, je sais que mon frère a deux filles. Et un jour, elle allait à l'école, toi. Et mon frère lui dit, mais tu fais quoi, là? Bah, je vais à l'école. Ah là, bah tu vas te changer, tu vas pas à l'école aujourd'hui. Mon frère lui a fait courir tout bled avec footing avec lui, tu sais, parce qu'elle avait un string qui dépassait. Je sais pas si tu te rappelles de cette mode. Ah bah oui, bien sûr, mais tu sais, ça c'est. Non mais ça c'est le genre de truc qui sert quasiment à rien, parce que 9 fois sur 10 t'as les filles qui mettent leurs autres fringues dans leur sac. Ouais, elles vont habiller nickel classe, et puis elles vont dans les chiottes, elles se changent, et puis après hop là, terminé. Non mais elle a fait ça carrément en sortant de la baraque. Alors mon frère a dit, écoute, aujourd'hui tu iras pas à l'école, je vais prévenir tes profs, mais tu peux être sûr, je vais te fatiguer, moi, qui lui a dit. Et il a fait courir, tu sais, parce que mon frère, il est sportif, quoi. Ouais. Il a fait courir, elle est revenue direct, elle a pris sa douche, elle est taillée au pieu. Ah ouais, bon après c'est peut-être pas forcément, je sais pas si c'est le meilleur moyen, je pense que juste lui expliquer, juste lui expliquer au début c'est peut-être mieux, après si ça fait 10 fois que le mec répète et qu'il a toujours pas compris, oui bon. Non, parce que mon frère il est en déplacement des fois, ouais. Et sa femme lui avait déjà dit qu'elle s'habillait comme ça, que ça lui plaisait pas, donc mon frère a dit, bah attends, moi je vais mettre le holà, tu lui as déjà parlé, moi elle comprend pas, donc je vais lui faire comprendre autrement. Bon, mon frère a fait l'armée, il a fait 8 ans dans les parachutistes. Ah oui, ça tout de suite, on a compris, ouais. Non, mais de suite, direct, ces filles, mais tu vois, elles sont correctes, toi, elles sont vachement bien éduquées. Ah oui, moi, je te dis, franchement, il sait les éduquer. Mais tu vois, c'est un truc de fou. Bon, on revient à ce que je pensais, toi, et moi, des fois, ça me fait peur, toi. Bah oui, mais bon, écoute, c'est un fantasme, c'est pas grave. Le fantasme, c'est bien, ça fait travailler l'esprit, ça fait travailler tout plein de trucs. Tu vois, vis-à-vis de ma copine, j'ai l'impression de la trahir aussi, toi. Oui, là, c'est pas très cool, effectivement. Mais bon, après, tant que ça reste dans ta tête et qu'elle le sait pas, pas mort d'homme, tu l'as pas trompé, c'est pas grave. Ouais. Bon, bah voilà, très bien. Il s'est trompé un peu, c'est pas. Mais non, attends, et oh, il faut pas déconner non plus. Non, mais attends, c'est pas parce que tu. Attends, alors on va directement mettre les choses. Comme tu as dit avec ton frère, on va directement mettre le haut là. C'est pas parce que t'es en train de te branler sur un film porno ou en pensant à une meuf, à un mannequin, à une actrice de cul, j'en sais rien, que tu trompes ta meuf, faut pas déconner. Ouais, c'est vrai, c'est humain. Ça. Ah non, mais le mec qui va loin, sucer n'est pas trompé, hein. Ah si, quand même. Ah non, mais attends, tu vois que t'es intelligent. Non, mais si, c'est. Non, mais je suis le premier à dire que c'est mieux. Et c'est pas le cas. J'ai une fois avec une autre meuf, c'est pas trompé. C'est vérifié. C'est vérifié, c'est comparé, c'est ça, ouais. Tu aimes une autre fille, c'est-à-dire que là, tu trompes. Mais c'est parce que le tromper, c'est une question d'amour. T'aimes deux filles, là, tu trompes. Mais tu te fais pomper le dard par une autre fille, c'est pas trompé. C'est ça. Bon, bah, si elle, ça compte pas. Bah, ça compte pas. Encore moins. C'est ça, c'est du travail, évidemment, ouais, c'est ça. Bon, bah, merci en tout cas, Olivier, d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Merci. À bientôt, salut, Olivier. Tu peux voir Sandro ? Oui, je te la repasse tout de suite, Olivier, y a pas de problème. Tu pourras fantasmer dessus. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, allez, on y va, c'est parti, on va appeler maintenant des appels malveillants, bien entendu, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs. De plus en plus nombreux, mais on essaie de tous les appeler, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. On y va et on appelle le premier maintenant, là, premier de la soirée, enfin premier de la nuit, puisqu'il est passé minuit. Appel masqué. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous faites l'amour. Mais c'est une plaisanterie là ou quoi? Non madame, c'est une question. Mais je ne vous réponds pas, je vous raccroche. Mais non madame, ça se fait pas. Ah si, ça, enfin ça se fait pas, mais elle l'a fait. Hein. Oui mais ça se fait pas. Non, c'est vrai. On rappelle. Minute 36. Et puis on revient dessus après avec Lay Me Down. Elle n'a plus envie de décrocher. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, en fait, je voulais savoir à quoi elle pense quand vous lui faites l'amour. Mais oh, mon petit con, qu'est-ce que tu veux dire, là, espèce de connard, de mange-merde, de trou du cul que tu es? Mais je veux rien dire, monsieur, je veux juste savoir à quoi elle pense quand vous faites... Enculé, OPD. Et n'appelle plus, parce que si je sais qui tu es, je vais te casser les dents, hein. Mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? Enculé que tu es. Mais enfin, ça se fait pas, monsieur. Va te faire enculer, monsieur. Va te faire enculer. Allô? Je pense qu'il est un peu énervé. Un petit peu. Je pense qu'il est un peu énervé. Mange de merde. J'aime les Corses. Sérieux. Grave. On a beau retourner tout ce pays de fond en comble, ils resteront toujours les plus généreux et les plus drôles. Dans les messages de bienvenue. Non mais partout. Ah oui, c'est géniaux. Vrai. Les mecs, c'est des tueurs. Quoi. On j'adore. Va le rappeler. Au sens propre, comme oui, on figurait. Voilà, on le rappelle. Allez, c'est reparti. Rebelle-t-on le couvert, là. Oh bah il va plus décrocher, tu vas voir. Va te faire enculer. Allô? Non, il est parti. Ouais, il est parti. Ah bon, on va le laisser tranquille, il était gentil, monsieur. Ouais, je voudrais pas qu'il lui arrive des petits problèmes cardiaques. C'est clair. Moi je le kiffe. Va te faire enculer. Bon, Florian qui dit salut Mickaël, peut passer une dédicace à tous les routiers, surtout à ceux du groupe Warren Anchu. Je sais pas si ça se prononce correctement, mais en tout cas j'ai essayé de faire mon mieux, Florian. Ben, le message est passé en tout cas. Bon, passez une bonne nuit, tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est au cœur de la nuit sans pub. On est en mode pépère. On va parler de ce que vous avez déjà fait, pris comme risque pour essayer de sauver votre téléphone portable. Appelez-nous si vous en avez déjà pris un. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est Avicii sur Fun. Au cœur de la nuit sans pub, l'excellent son d'Avicii, c'est Lay Me Down. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, il y a un message d'Andreas aussi. Si c'est une fille que j'aime, oui, ou des gens que proches, oui, je suis prêt à tout pour eux, mais pas pour du high-tech. Non, ben ça, évidemment, il y a Romain qui dit ce con de toff est-il là? Oui, ah ben il est là. Hein, ah bah ça. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Et Guillaume qui dit salut de l'équipe, aujourd'hui j'ai décidé de me remettre en chasse, j'ai essayé Tinder, mais apparemment, les Mosellanes ne sont pas très actives, alors si t'as des bons plans, je suis preneur. Continue comme ça, vous êtes géniaux. Eh ben écoute, Guillaume, le message est passé. Hein, et Jojo qui dit allez, je suis là, Mickaël. Après 2 semaines d'absence, bah oui, Jojo, t'étais passé où du coup là? On sait qu'était là. Et Jérémy Love qui dit je suis tombé dans l'escalier en rattrapant mon téléphone et je me suis fait très mal, 2 côtes fêlées. Ah ouais, mais la question c'est as-tu au moins réussi à sauver le téléphone? Parce que si tu. Si tu te fais les 2 côtes et qu'en plus le truc il vole par terre et qu'il est pété, ah, c'est chaud. C'est vraiment balèze. Et Vladimir Poutine qui dit bonsoir mes bâtards, comment allez-vous? Je demande pas à Toff évidemment, bah non, t'as bien raison. Et Maxime qui dit ça y est, je me souviens où je t'ai vu la première fois, ta tête me disait quelque chose, le Morning Star sur Direct Star il y a longtemps. Ah bah oui Maxime, oui je te confirme, ouais. Ah oui, à l'époque on se levait tôt avec Toff. Ah oh là là, on se levait trop tôt. Oh là là, beaucoup trop tôt effectivement. Oui, c'était sur Direct Star, bah, chaîne qui est décédée d'ailleurs. Hein. Oui, qui est mort de sa belle mort après un an. Oui, mais. Oh, là, fait une belle vie, hein. Ah bah oh là là. De là à dire qu'on est responsable de sa mort, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous, je rappelle que nous étions devant TF1. J'aime bien le rappeler. C'est vrai. Bon, Laura qui vient, coucou à toute l'équipe que j'aime fort tous les soirs, je vous écoute. Et est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Bien sûr, Laura MG, là. Petit message de bienvenue. Alors, attends. Qu'est-ce que je peux te mettre comme message de bienvenue? Bah celui-là, tiens. De trou du cul. Voilà, bon, je peux te mettre un autre. On va t'enculer. Et si moi je te tombe dessus, tu risques de finir dépecé. Tu vois ce que ça veut dire, dépecé? Hein, tu vois ce que ça veut dire, dépecé? Bon, allez, on va donner la réponse maintenant à la colle avec notre ami Mathieu. T'es là, Mathieu? Toujours là. Parfait. Et puis on aura encore une blague sur les blondes avec Terence. Continuez d'ailleurs, hein, si vous avez d'autres des blagues sur les blondes. Hashtag et Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook également. On les lit en direct jusqu'à 2h du mat. Vous venez donc nous rejoindre. Vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook. Bon, Mathieu, allez, c'est parti. La colle, tu l'as posée depuis tout à l'heure, 23h. On va donc maintenant appeler quelqu'un qui a répondu à la colle. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Dans tous les autres cas, c'est toi qui gagne. Et attention, hier et avant-hier, c'est le poseur de colle qui a gagné l'iPod Nano. Comme quoi, tout tout est possible. Bah je te le souhaite Mathieu. On y va, c'est parti, on appelle minuit 45, on est un peu à la bourre mais c'est pas grave. Et on fera le gainage aussi, un défi 30 jours dans quelques instants. Allô ? Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Ouais, Ivan Pinto. Johan, c'est ça ? Ivan. Ah, Ivan, pardon, c'est très bien. C'est ah, Ivan, j'avais compris, Johan. C'est Ivan. Bon, Ivan, très bien. Ivan, tu as peut-être la réponse à la colle que Mathieu va te reposer maintenant. Vas-y, Mathieu. Je réfléchis tout le temps et pourtant je ne pense jamais. Qui suis-je ? Alors ? Le miroir. Félicitations. Et voilà ! Bravo Johan, bravo Yvan, pardon, tu repars avec l'iPod Nano que bah, Mathieu avait dans les mains et puis c'est parti. Et je l'ai fait tomber. Eh ben non. Justement, il n'est pas tombé, t'inquiète pas, c'est un tout neuf que tu vas recevoir Yvan. Enfin, j'espère qu'il vendra pas l'iPod. C'est drôle ça, une minute. Oh là là là. Voilà, hop, une minute au coin, ça nous fera des vacances, ça fera des vacances à tout le monde. Yvan, bravo à toi, tu retournes chez Sandro Standard, on prend tes coordonnées. Salut Yvan, à bientôt. Okay, salut. Ciao. Et ben Mathieu, merci d'avoir joué avec nous quand même. Et puis bah bonne merci chance. Merci à vous, c'était bien cool. Et ben voilà, tu retournes ta chance quand tu veux, t'es le bienvenu, y'a aucun problème. Pas de soucis. Salut Mathieu, à bientôt. Allez, à la prochaine. Allez, bah ciao à toi Mathieu. Y'a Terence aussi qui est avec nous d'Avignon là. T'es là Terence? Oui, bonsoir Mickaël, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, depuis que toi fais ton coin, on va mieux là. On respire. Ah ouais, bah ouais. Ah bah est-ce que tu sens pas cette bonne odeur là? Tu sais, un peu comme si tu venais de mettre du Airwick. Ah, moi je sens le cul moi. Ah oui, ben voilà, c'est peut-être parce qu'il y a encore les restes de toi, alors c'est possible. Bon. Ah là, dégueulasse. Alors Terence, toi t'as des blagues sur les blondes, puisque, attention, en début d'émission, nous sommes tombés sur une enquête importante qui disait que les gènes, bon c'est une grande enquête, hein, ils avaient que ça à foutre, qui c'est une vraie enquête, comment on appelle ça, médicale, qui dit que les gènes, ils se sont rendus compte que les gènes de couleur des cheveux hein, ne font pas qu'une fille est bête ou intelligente. Ouais, et en fait, ils expliquent aussi que ce n'est, c'est un détail, à une lettre près. Exact. Dans l'ADN. C'est-à-dire tout à fait. C'est vraiment à un cheveu. Un cheveu, tu peux ouais. être brune ou blonde, ça n'a rien à voir. J'ai eu l'expérience avec une, moi. Elle m'a bien fait rire, en tout cas. Vas-y, vas-y. Bah en fait un jour moi j'étais devant la télé. Attends excuse-moi je te coupe. On dirait le mec il est enculé. Ah ouais enculé. Ah il vient du même coin. Bah, c'est dingue, tu viens d'où toi Terence? À côté d'Avignon, à Nantes, dans le village. Ah ouais, ah non, attends, on va voir. Va te faire enculer au quel. Ah merde, attends, c'est pas celui-là. Il est où celui-là, l'enculé? C'est ouf là, ressemblance du. Ah ouais. Ah, attends, je crois que je l'ai. Au PD, c'est... Gros PD que tu es, va. Essaye de dire au PD, gros PD que tu es, va. Gros PD que tu es. Ah ouais, c'est ça. Gros PD que tu es, va. Ah ouais, il y a une ressemblance. Hein. On l'a peut-être retrouvé. J'ai de la courgette pour toi, si tu veux, dans mon camion. Ah, bah écoute, c'est pour toi, alors, il sera ravi. Bon, alors, vas-y, raconte-nous, bah, Terence, ta petite histoire. En fait, j'étais devant la télé, et puis, En fait, c'était la copine d'un pote, elle voulait préparer à manger. Ouais. Et, bon, elle est blonde, et elle m'appelle, elle me dit, ah, Terence, viens me voir et tout, j'ai un petit souci avec le truc pour écraser les pommes de terre. Bah, ouais. J'arrive et tout, je regarde le truc, je dis, mais le truc, il tourne bien et tout, il n'y a pas de souci. J'ai dit, vas-y, envoie une pomme de terre, je vais essayer. Elle envoie une pomme de terre et je la regarde avec un petit sourire. Je dis, mais il faut la faire cuire la patate. Hein. Si tu veux faire de la purée, elle va pas s'écraser comme ça et tout dur la patate. Ah. Et elle a eu un petit moment de solitude, mais moi, je suis mort de rire. Ah bah oui, alors que tu aurais pu lui faire des légumes. Je vais te mettre un concombre, une courgette, c'est ça que tu veux, non? Ah, putain, trop bon. Donc la meuf savait pas. Bon après y a des gens qui savent pas cuisiner hein. Bon bah, c'est parce que moi je suis un dieu de la cuisine. Moi je suis un dieu de la cuisine. Moi je cuisine matin, midi, soir, je suis limite un chef étoilé. Un vrai cordon bleu. Totalement. Bon, totalement. Ça va, je cuisine pas trop mal, ça va, je me démerde hein, en étant seul. Ah bah comme moi. Faut bien. Comme moi, je fais la cuisine, j'adore. Je passe mon temps à faire ça. C'est vrai, j'adore. C'est vrai, c'est. Dès que j'ai un peu de temps à perdre, là, hop là, cuisine et tout. Bah dans le bureau, il a installé 2-3 plaques et exactement, puis il a tout son matériel de cuisine, il peut pas s'en passer. Exactement. Non, c'est très pratique. Je vois bien le Toff en train de cuisiner avec un tablier tout nu. Hein. Non, mais quelle horreur. Mais par contre, Toff sait cuisiner, le problème c'est qu'il. C'est gras. Hein, ça, c'est toujours. C'est l'important dans la cuisine. Et puis après, ta cuisine, tu peux la détruire et la refaire puisque tout est foutu en fait. Non, mais c'est vrai qu'il fait des trucs. Non, il fait des trucs beaux. Une fois, il nous a fait un truc. Apollo, il adore le gratin dauphinois. Ouais, je sais. mais c'est pour ça que je lui en fais à chaque fois. Grave, mais oui, c'est bon. Ou des pâtes gratinées au fromage blanc. Ah oui, bah, bien sûr. Il adore. Une culée. Un bon boudin aussi, c'est bon. Non, ça je déteste. Ah putain, le boudin, déjà j'ai jamais aimé, mais alors, depuis quand j'étais petit, qu'on m'a dit que c'était du sang en fait. Tu sais, il y avait que du sang dans le boudin. C'est super bon. Burk, dégueulasse. Bah, par contre, en douillette, ça sent la merde, quoi. Oh, en douillette non plus, j'aime pas. Sur les blondes. En douillette non plus. De quoi? La petite blague sur les blondes. Ah bah vas-y. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi les blondes, elles ont pas de poils à la chatte hein? Non. Est-ce que vous avez déjà vu de l'herbe sur une autoroute hein? Oh, c'est méchant. C'est dégueulasse. Ah, non, c'est ça qui est bon. Mais oui, c'est ça qui est bon, là. Que tu es, va. Ah oui. Bon, Terence, bah merci d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux. Et je peux faire une dédicace hein? Eh bah bien sûr. Ah, je vais faire une dédicace à mon frère qui est sur la route que j'adore. Très bien, eh bah y a pas de problème. Et puis, bonne soirée à toute l'équipe et Polo, je kiffe ton rire. PDA. Bon bah merci à toi en tout cas Terence. Tu peux passer un petit son ou pas? Bah vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tu connais Popoff? Popoff? Ouais, Do You Want Me? Alors attends, je vais regarder si on a hein. Attends une seconde. P-O-P-O-F. Ouais, bah je vais taper Do You Want Me, ce sera moins de. Je prendrai moins de risques comme ça. Alors, Do You Want Me? Bah ça commence mal, on n'a pas. Alors Popoff, alors je vais taper. Attends. P-O-P-O-F, c'est ça hein? Ouais. P-O-P-O-F, ouais. P-O-P-O-F. Et P-O et P-O-F, ça ne donne rien. Bah, ah, c'est quoi? Ah, un bon son d'Enflore. Ah bon? Ouais. Ah, attends, parce qu'on n'a pas, mais on va quand même regarder. On va quand même écouter. Sur YouTube et notre ami. Sur YouTube, bon, le son va pas être bon, donc on va pas le mettre complètement, mais. Attends, on va quand même vérifier, voir au moins à quoi ça ressemble. Toff vient avec ses sacoches de DJ. Hein. Attends, c'est ça, Popoff? Ouais, c'est là. C'est nouveau ou c'est vieux? Moi, c'est à nouveau, il y a même pas de clip. Elle coûte cher déjà la musique, donc. Attends, mais même pas plus loin là. Non, en fait, c'est pas nouveau du tout, hein, ça date de 2009. Ah oui, il me semblait bien, vu le son. C'est vieux? Ah oui, c'est pas nouveau, ouais. Ah bah. Ah, ça donne envie de chiller ça. Comme vous voulez. Voyez. Bah non, mais là le son est dégueulasse, donc si on l'avait en CD ou si on l'avait dans la machine, on aurait pu le mettre. Mais là le son est crade sur YouTube malheureusement. Écoute, je vais quand même voir avec notre ami Pascal demain qui fait la prog pour voir s'il l'a pas. On sait jamais qu'il l'a en CD, on va savoir. S'il connaît pas. Ouais. Et son orchestre, parce que c'est lui qui rejoue tous les instruments. Tous les morceaux, il les rejoue, exactement. Ouais. Bon, ben merci Terence en tout cas d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Salut à vous les gars. Salut Terence. Et sourire avec les Corses encore. Ah bah écoute. Merde, attends, merde, je voulais remettre au PDA et je l'ai perdu. Gros PDA que tu es, toi. Ah ouais, putain, ça ressemble, mais c'est un truc de ouf quand même. Ah, c'est un truc de ouf. C'est mon frère qui m'a piégé, c'est mon frère. Ah, on en a des nouveaux, hein. Va te faire enculer. Voilà. Va te faire enculer, monsieur. Va te faire enculer. Ah, il est bon, de mange-merde, de trou du cul que tu es. Voilà, de trou du cul que tu es. Bon, salut en tout cas, Terence. À bientôt. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Ciao, Terence. Max, dans un instant, avec qui on va parler. Salut, Max. En retour, on avait couru tranquille. Ouais, bah on avait convenu que tu me livres le shit à tel endroit. Que je t'attende sur l'autoroute. Salut, Max. Allô, Max. Oui. Ça va? Oui, et toi? Bah oui, tranquille. Bon, on avait convenu quoi alors, Max? Ce qu'on t'entendait au début, là, mais on voulait savoir. Ben, en fait, voilà, j'ai ma copine qui m'a quitté, qui a gardé mes meubles pour l'instant, et pour l'instant, je fais la croix et la bannière pour pouvoir les récupérer. Ah merde, c'est ça. Bon, alors, on va... C'est très bête, ouais. Bah oui, là, c'est complètement con, ouais. Bon, donc, on va en parler, hein. Ouais, pas de problème, ouais. Eh ben, on en parle dans 5 minutes, là, le temps d'écouter le son de DJ Snake avec Get Loud. Tu restes avec nous, Max. On aura Nicolas pour parler de Portal, puisque je vous demandais justement si vous aviez déjà risqué votre vie, ou en tout cas risqué de bien vous faire mal, pour sauver votre téléphone portable. Ça peut être l'ordinateur, ça peut être la tablette, ça peut être n'importe quoi, bien sûr. Appelez-nous et on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Va te faire enculer, monsieur. Et on se met le son de DJ Snake maintenant sur Fun Radio, c'est Get Loud, il est minuit 55, on est au cœur de la nuit sans pub, bien entendu, c'est Mickaël No Limit. Si vous débarquez pour la première fois, vous êtes évidemment les bienvenus, c'est comme ça tous les soirs, on est là jusqu'à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Allez, Get Loud, maintenant c'est DJ Snake sur Fun Radio. Le son de DJ Snake à l'instant avec Francis Dillon, c'était Get Lao. Bah dites-nous si vous avez aimé ou pas, tiens, avec le hashtag Mickaël. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel injusticier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à deux. Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et en direct évidemment dans toute la France, dans toute la Belgique et un petit peu partout. Vous pouvez nous écouter aussi via le site internet de Fun, bien entendu, n'hésitez pas. Et je vous rappelle aussi que pour nous joindre depuis la France, 01 42 48 5000, depuis la Belgique, le 02 851 4x0. Et depuis partout ailleurs, vous faites le 00 33 1 42 48 5000. Vous arrivez au standard, on vous rappelle évidemment immédiatement pour que vous ne payiez pas un bal. Secret Key qui dit: pour sauver mon portable, j'ai refusé le numéro de Toff. Décidément, les virus, il y en a partout. Ah. Ouais, ça, c'est vrai, Secret Key. Club Med qui dit: pourquoi les blondes ne mettent pas de jupe courte en hiver pour ne pas avoir les lèvres gercées? Ouais, elle est connue, Club Med. Et alors, Megumi qui dit: moi, Mickaël, je veux bien envoyer chier. Attends, c'est quoi? Je veux bien envoyer chier mon boulot pour être ta soubrette personnelle. Ah, bah. Voilà, bah toi fais t'intéresser à part. Bah toujours, moi je suis complètement. Toujours, je suis assez curieux de voir la tête de Megumi. Si elle peut m'envoyer une photo à polo à funradio.fr. Ah, je croyais te dire à poil. J'aimerais. Non, non, non, aussi, qu'elle, garde, qu'elle soit habillée, qu'elle garde son, sa tenue asiatique. De soubrette. Ouais. Voilà, c'est ça. Et qu'elle envoie une photo, je suis curieux de voir sa tête. Et Club Ed aussi qui dit: quel est le point commun entre une blonde et une patate? Elles sont sautées, elles se font sauter toutes les deux. Bien vu, bravo, c'est mignon, Club Ed. Et Nicolas qui dit: de la tuerie ce son, c'est Nicolas donc par rapport au DJ Snake qu'on a mis avec. Francis Dillon, Get Low. Bon, on va parler, on va récupérer Max là maintenant. On va faire le gainage aussi juste après. Max qui nous appelle donc de Montélimar dans la Drôme, 27 ans Max. Et toi, juste avant le son de DJ Snake, tu nous disais que ta meuf s'est barrée avec tout le matos. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais. Enfin, en gros, non, c'est-à-dire que c'est toi qui t'as foutu dehors, mais avec ça. Voilà. Ouais, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Bah on va dire que elle m'a quitté et que j'ai reçu des messages d'une nana et malheureusement voilà, apprécié. Et... ouais, attends, j'ai reçu des messages d'une nana. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans le message là? Parce que j'ai adoré que tu me défonces. Non, je te grattais le dos sous la douche. Oui. Oh, oui, bon, c'est pareil quoi. Oui. Bah oui. Ouais. Et du coup ta meuf t'a viré, tu trouves pas ça normal? Bah si, mais bon, ce que je trouve pas normal, c'est que je puisse pas récupérer mes affaires. Oui, ça c'est vrai, en revanche. Mais après, tu sais comment sont les filles. Je le comprends, ça je le conçois, j'admets complètement, je reconnais mon erreur. Voilà. Ah, tu l'as vraiment trompé? Non, je l'ai pas trompé. Je l'ai pas trompé, c'est juste des messages à connotation humoristique, on va dire. Sexuelle. Non, à connotation sexuelle, c'est pas de l'humour. C'est des... Non, mais bon, après... Ça dépend dans quel sens tu le prends. Bah ouais, oui, on peut voir ça comme ça. Mais comment ça se fait que tu discutes avec elle alors? Je comprends pas. Qui est cette fille? T'avais envie de la pécho ou pas? Ben non, mais moi ça faisait 5 mois que j'étais avec. Attends, t'étais avec qui? Bah avec mon ex. Ben maintenant c'est mon ex. Oui, d'accord, ok, non mais moi je parlais de l'autre. Celle qui voulait te gratter le dos. Ouais, celle qui voulait te gratter le dos. Oui. Donc tu sortais pas avec elle, on est d'accord? Ah non, pas du tout, non. Bon alors pourquoi tu parles avec elle? Mais parce qu'au début je parlais avec elle, mais qu'en fait je m'en contrefichais. Non mais d'accord, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu parlais avec elle, surtout de trucs de cul alors que t'en avais rien à foutre. Bah en fait, pour délirer, enfin. Arrête. Oui, ça passe assez mal, hein, chez les filles. Oui, hein, tu connais les meufs. Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que ça passe assez mal. Voilà, c'est ça. Et bah oui, forcément, c'est normal. Bah en même temps tu me diras je grille ma meuf en train d'envoyer des messages de cul à un autre mec, même si elle me dit non mais c'est pour rire. Si tu veux, oui, je pense que je le prendrais mal aussi, mais après je peux le concevoir. Maintenant tu ne l'as pas expliqué? Tu l'as pas dit oui voilà, bon c'est vrai que j'ai fait une connerie, bon je t'ai pas trompé, il s'est rien passé, c'est juste des messages, j'ai fait le con, écoute, désolé. Mais c'est pas le plus con. De quoi? C'est pas le plus quoi? Le croustillant de l'histoire. Ah bah vas-y, raconte là, et nous on attend avec impatience, vas-y fais péter. La nana en question à qui j'ai écrit des messages, c'est une très bonne pote à elle. C'est devenu grâce à ça ou ça l'était déjà? Devenu grâce à ça. Attends, mais c'est quoi cette blague? Comment ça se fait? Je sais pas, elle est partie un jour, elle est partie la voir, elle a commencé à papoter avec elle et puis... Et l'autre, elle pouvait pas lui dire qu'en fait vous c'était de la vanne et que vous rigoliez ensemble? Ça dépend, peut-être qu'elles avaient vraiment envie de le pécho. Parce que plus ça allait, quand moi je la voyais, quand je voyais ma nana et après j'allais la voir, elle racontait des conneries et du coup maintenant... Mais voilà. Et toi t'es idiot, t'as pu dégager l'autre, toi. Elle l'a fait exprès, t'as pourri la vie, ça se trouve c'est une lesbienne et elle était en train de conspirer contre toi. N'importe quoi, le mec il fait des histoires là. Non, mais... il écrit des films en direct là. Hein. Si vous le voyez un jour le film à la télé là, hop là, vous saurez d'où ça vient. Ça s'appellerait la conspiration. La conspiration de la Gouine. De la Gouine. Et c'est ça, c'est une conspiration de lesbienne. Regarde, n'importe la meuf, elle aime ta meuf, sauf qu'elle dit je vais enfumer, comment il s'appelle le sans meuble. Le sans meuble fixe. Il s'appelle là. Max. Le SMF, le sans meuble fixe. Elle va enfumer Max, elle va lui envoyer des signaux, elle va balancer à ta meuf. Ta meuf va paranoïer sur le truc, elle te dégage, elle garde les meubles. La lesbienne, hop, elle récupère ta meuf et elle récupère les meubles. Et voilà. Et résultat, elle aura tes vêtements également. Voilà. Bah ouais. Voilà, ouais. Bon, il n'y a pas moyen de rabibocher quand même avec ton ex ? Ah franchement, c'est même pas possible. Ah ouais, mais à ce point-là, putain, mais faut même pas qu'on l'appelle. Il faut pas demander si tu l'avais trompé, la meuf, elle t'aurait tué. Elle travaille là. Elle fait quoi ? Elle est soignante. Allez, soignante, ouais. Parce que si tu l'avais trompé, mec, elle t'aurait démonté ta tête. Hein, non, parce que non, déjà... non, je l'ai pas trompé. Oui, je sais. Mais si déjà maintenant c'est terminé, c'est mort, etc., c'est la guerre, je m'imagine si tu l'avais trompé. Ouais, ah bah je crois que je serais plus en vie déjà. Ah bah ouais, là je pense. Ouais. Putain, quelle violence quand même. Mais ça n'empêche que le truc, c'est que je l'aime. Ah oui, mais là, t'es dans la merde. Bah ouais, là, mec, bah oui, il fallait réfléchir. Il y a Megumi qui dit « Merci, Mickaël, hein, je te dragouille et tu me jettes dans les bras de Toff. Merci du cadeau, sérieux. Et Polo, va falloir courir vite pour ma photo. » Ah non, j'en veux pas de ta photo, c'est juste par politesse. Oh, l'autre c'était juste... Attends, mais ça fait des mois qu'on la voit, qu'on la suit, donc c'était pour une curiosité de voir qui est la personne, c'est tout. Mais... On passait chercher une image sur qui... Il se penchait le cul avec sa photo. C'est sur qui se branlait. T'as vu comment il est, Polo, là? Ouais, grave. Un petit refus comme ça, et... Ouais, je te refais le cul, de toute façon, je l'aime pas. De toute façon, elle est moche, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, moi je lui ai demandé sa photo comme ça, là. Ouais. Évidemment. Ah mais revenons à la conspiration de la lesbienne. C'est vrai, oui, c'est ça. Bon, et donc en gros, là, maintenant, tu cherches même pas à la récupérer, tu cherches juste à récupérer tes meubles. Ouais. Bon, est-ce que... j'aimerais bien déjà avoir l'avis des filles. Est-ce que pour vous, discuter... Parce que ça, c'est un bon débat. Parce que le coup de sucer, c'est pas trompé. Bon, on s'en fout, tout le monde en a déjà parlé 100 fois. On sait très bien que c'est trompé. Voilà, c'est pas la peine de remettre le truc. Non, non, c'est pas trompé. Moi, je peux pas te laisser dire ça. Mais est-ce que discuter avec une meuf... Ou avec un mec, enfin ouais, bref, peu importe. J'ai envie de te répondre, tu vois, c'est que quand tu discutes... Attends, j'ai pas posé la question encore. Est-ce que discuter, effectivement, par SMS, par mail, par chat, enfin n'importe quoi, de manière un peu sexe, c'est vrai, est-ce que c'est trompé ou mais pas? Mais non, ça compte même pas. Enfin, est-ce que ça mérite qu'on vire le mec ou la meuf? J'aime bien ce débat, mais il y a un débat encore plus profond. Est-ce que les lesbiennes sont en train de conspirer pour dominer le monde? Non, n'importe quoi, qu'il est relou, lui. Et donc, maintenant que j'ai posé la question, Max, là, c'est quoi tu voulais répondre? J'ai oublié. Non, tu m'as changé de sujet, ouais, tant pis. tu m'as zappé. Ouais, tu l'as perdu, là. Ah merde. Bon, bah, si tu t'en souviens, tu nous le dis, d'accord? Ouais, non, mais pas de soucis. Ouais, bon, bah, reste avec nous. Si vous avez des conseils à filer à Max, là, bah, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Max, tu restes encore avec nous. On fera les appels malveillants dans un bon quart d'heure. Restez là également. Et puis, il y a Nicolas qui est avec nous de Paris. Salut, Nico. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va parfaitement. Bon, tant mieux. Alors, je te pose la question. Est-ce que pour toi, si t'as une meuf ou pas, là, actuellement? Actuellement non, depuis une semaine. Non. D'accord, ok, bon, bah c'est pas grave. En imaginant que tu sois encore avec elle, elle te trompe pas, mais elle discute avec un autre mec de manière assez explicite sexuellement, hot. En tout cas, de manière assez hot, sans qu'il se soit rien passé et sans qu'il ne se passe peut-être rien. Mais bon, qu'est-ce que tu le vis comment toi? Bah franchement, je regarde la tête du mec. S'il est dégueulasse, je dis rien. S'il a de quoi faire, s'il a de quoi draguer, je le nique. Tu le niques, oui, te niques. Enfin bon, ça dépend de quel côté tu te places, quoi. Non, je le nique. D'accord, ok. Parce que tu sais, si c'est moi qui drague ta meuf, t'as aucune chance. Hein. Je te saute dessus, tu tombes par terre. On n'ira pas seul. Oh, ça y est, bah bravo, Nicolas. On va venir avec Toff, tu feras moins le malin quand tu seras avec Toff. Super, tiens, bah ouais, là, on va bien se marrer avec Toff. Hein. Autant dire que si vous cherchez un garde du corps. Je suis THE bodyguard. Eh ouais, tu parles. Bon alors Nicolas, toi tu voulais réagir par rapport au portable. Est-ce que t'as déjà risqué ta vie ou celle de quelqu'un pour sauver ton téléphone, tablette, ordinateur, console, bref, n'importe quoi? Moi j'ai risqué un bras. Je me suis bien défoncé un bras pour sauver un portable. Que j'ai pas sauvé au final. Ah en plus, bah bravo. Genre, qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? L'histoire que je vais te raconter, t'auras plus jamais envie d'aller au cinéma avec ton portable. Vas-y, dis-moi. Alors... Au cinéma, tu vois les sièges, ils sont bien confortables, ils ont l'air bien apparents, tu vois. Ouais. Mais en gros, un pilier central du siège est un énorme trou justement qui te sert à déplier et à replier le siège. Exact. Ouais. Et donc du coup, entre la face qui monte du siège et celle à laquelle tu es assise, il y a une sorte de trou, il y a des choses qui peuvent passer. Ouais. Ouais. Moi j'avais mon portable à côté de moi, accroché à mon casque. Et vers 5 minutes avant la fin du film, que j'étais allé voir, c'était Les Seigneurs à cette époque-là, donc ça date d'il y a un an, un ou deux ans, je sais plus. Les Seigneurs, c'est un truc de foot là. Ouais, voilà. Ouais, très mauvais. Ouais. J'étais avec mon meilleur pote, et il y a genre une grosse, tu vois, qui est à côté de moi, mais une bien vieille, tu vois, genre 60 ans, bien grosse et tout, avec son petit-fils. Jusque là, pas méchante. Et elle se met devant moi, elle commence à essayer de me pousser pour passer, parce qu'elle avait pas assez de place, donc il fallait tout le monde se lever. Moi, j'avais la flemme de me lever, j'écartais mes jambes et tout. Elle est un peu tombée sur moi. Et donc, du coup, t'as elle kiffé, a décroché mon cochon, hein. Ah oui. Hein? T'as kiffé, hein, mon cochon? Du tout, non. Tu l'as touché un peu? Ouais. Non. Tu lui as palpé le cuisson? Non, du tout. Et donc du coup elle tombe sur moi, mon bit décroche mon portable, il tombe dans le pilier. Je sais pas comment il a fait. Ouais. Et donc du coup je me dis avant la fin du film, il restait 2 minutes, voilà, je me dis je vais le prendre après, je sais pas où il était, bref. Et à la fin du film, je me rends compte, il est pas là. Et après je vais mettre, donc, je regarde et tout. Et après j'ai mon pote qui me dit attends mais regarde et tout à l'intérieur, ça se trouve il est tombé. Donc je mets mon bras à l'intérieur du pilier du siège. Voilà, et je le vois, je le sens. Je vois qu'il est sous quelque chose. Donc, il est sous le pilier. Donc, j'avais mon coude sur le truc du siège pour rester debout. J'enlève mon coude, il y a le pilier qui se referme sur mon bras. Oh. Et je me suis pris le pilier bien pointu, donc bien dans le bras, et je peux dire que j'ai bien dérouillé. Oh putain, grave. Ah oui, j'imagine bien. Mais ouais. C'est pas contre le cinéma que tu dois en avoir. Oui, c'est contre toi. Je te dis, je suis ressorti après, j'avais le bras qui pissait le temps, je suis sorti vers la grosse, je lui ai dit, ma grosse, viens ici. Et elle t'a mis une bonne claque parce que tu l'as pas l'appelé comme ça. Ah, moi je t'en ai mis une patate, mec. Pa, pa, pa, pa. Non, non, non, elle a sorti un sein, elle lui a mis en pleine gueule comme ça. Bim. Bah, elle aura bien eu raison. Surtout qu'au final, c'est pas sa faute. Ah bah elle m'a bousculé. Bah oui, mais si tu t'étais levé pour la laisser passer, cette brave dame. Cette grosse vache. Hein, au lieu de faire le malin, là, à dire je n'ai pas envie de me lever, j'en ai rien à foutre. Non mais à cette époque j'avais aussi un petit souci de jambe, je l'ai toujours, j'ai une hernie discale où je peux pas trop me lever. J'ai une hernie discale, genre, c'est le rapport avec la jambe. L'autre il a su se lever là pour aller de chez lui jusqu'au cinéma et se relever pour laisser passer quelqu'un, il peut pas faire. Oh là là, Roger les excuses de merde. Ouais voilà, ok. Ouais. Non mais bon après voilà, donc en gros t'as pris cher quoi. Ah ouais mais mon bras, j'ai pas de photo malheureusement mais. Attends parce que regarde, on a justement la vieille là. Ah merde, oui, elle a un rire bizarre la vieille. Elle a plutôt un rire de vieux a priori. Elle a un rire, ça c'est bizarre. En tout cas, quoi qu'il en soit, elle se fout bien de ta gueule. Bon, et ben merci pour cette petite anecdote Nicolas, mais malgré tout, ça ne donne pas forcément plus envie d'aller au cinéma. Ah bah je t'ai pas dit ça, je t'ai dit tu n'auras plus envie de prendre ton portable au cinéma. Ah oui, c'est vrai. Bon, je le prendrai mais je le mettrai dans une poche fermée quoi. Tu veux, j'ai encore le portable chez moi. Non, ça ira. Tu peux l'envoyer à Toff, il aime bien récupérer les trucs, ouais, lui. Moi, j'adore. Voilà, si tu peux, il n'y a pas de problème. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé Nico. Tu reviens quand tu veux. Tu peux passer un petit message à Polo? Bah sûr, vas-y, ouais. Alors, Polo, je t'avais envoyé ma candidature pour la sous-général des Doubs, on m'a pas répondu, hein. Ah bah oui, mais attends, sous-général temps, hein. Ouais, mais t'es trop vieux pour être dans l'armée des Doubs, quoi. Bah oui, ah, mais non, oui. Mais moi, je veux pas rentrer dedans, moi, je veux les gérer. Bah écoute, renvoie ta candidature, on va je dois réunir les 100 doux les plus puissants pour voter. Le conseil des doux. C'est le conseil des doux. Je pense qu'à ma voix, je suis pas un doux. Non, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut réunir le conseil. Bah voilà, il faut le conseil des doux, les 100 doux qui vont devoir voter et puis après on verra si tu es il y a Polo qui a été élu d'office il a été élu par les doux à 99% des voix. Sachant que l'autre pourcent a été tué. J'en appelle aux doux là, tous les doux qui ont été baptisés, envoyez-moi un mail et dites-moi si vous êtes d'accord qu'ils deviennent sous-commandant. Sous-commandant des doux. Voilà. Bon bah le message est passé Nico. Hein. Ah bah merci les gars. Salut. Continuez, hein. Bah c'est gentil, salut Nico. Allez, ciao. Allez, ciao à toi. On aura Pierre dans quelques minutes, Max toujours là, sa copine l'a quitté, elle a tout gardé et voudrait tout récupérer surtout. Et puis bah en gros, on vous avait demandé puisque il l'a même pas trompé sa copine, oui. Il a simplement discuté avec une autre meuf avec des messages un petit peu hot. Du coup, elle est tombée dessus et elle l'a viré comme une merde. Est-ce que pour vous ce genre de choses mérite d'être sanctionné de cette manière ou est-ce que une petite discussion s'impose, que ça ne se fasse pas, je peux le concevoir totalement, mais voilà, est-ce que ça mérite quand même de virer le mec ou la meuf pour ça? je ne sais pas. Non, ils auraient pu régler ça sur l'oreiller. Oui, c'est vrai, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Allez, en parlant d'oreiller, on va se mettre en mode chilling. On va chiller là maintenant avec le son de Mr. Probs. Pendant que Toff y va, chier. Évidemment, on écoute le son de Waves maintenant. Il est 1h15 sur Fun Radio. Il y a les appels malveillants qui arrivent dans un quart d'heure. Restez sur Fun, on est là jusqu'à 2h. Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'en tirer sous terre. Fais enculer, monsieur! Va te faire enculer! Et ben voilà, en toute simplicité, bien entendu. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct avec les appels malveillants dans moins d'un quart d'heure. On aura le chéri, je peux te faire cocu. Il y a Damien qui dit, je t'ai ramené un auditeur. Un message de bienvenue, bien salace. Et un petit coup de pelle, il est en retard. Ah bah oui, effectivement, à 1h15 du mat, là. Coup de pelle, il est là. Et petit message. Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Voilà. Ouh, celui-là était pas mal aussi. Tu voulais bien salace, hein. Va te faire enculer, va enculer ta mère. Ta mère, je la baise par trous les trous. Hein, elle aime la bite. Ma pauvre. Et Secret Key qui dit, ma mère a fait tomber son portable dans la ventilation de ma voiture, je me suis arraché la main pour la lui récupérer. Ah oui, effectivement. Tu veux tomber dans la je sais pas. Aucune idée. Fred aussi qui dit, quelle est la différence entre une blonde et un frigo? T'as déjà vu un frigo péter quand tu lui retires de la viande? Oh, dégueulasse. Nicolas qui dit, moi je dis, rachète des meubles vieux, c'est mieux. Jeanne-Françoise qui dit, la conspiration de la Gouine, on tient un concept, l'Apollo, à ressortir pour l'impro. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, tiens. Non, moi je pense on peut en faire un film, un long métrage. Ouais, ouais. Bah oui, avec carrément. Un producteur français qui nous écoute. De toute façon, Vincent Cassel. Ah bah oui, ils font que des merdes, donc ça ira bien. On mettra Vincent Cassel en mec victime de la conspiration. Pourquoi pas. Kevin qui dit, pourquoi les blondes changent-elles rarement la couche de leurs enfants? Bah parce qu'il y a écrit jusqu'à 19 kilos sur l'emballage. Emmanuel qui dit, Mickaël, je t'écoute depuis 5 mois, message de bienvenue bien hard et un coup de pelle pour Toff. Bah le coup de pelle pour Toff, sans problème. Et le message bien hard, alors attends, ouais, je suis pas mal. Tu vois le bonhomme en face de toi, ce qu'il va te faire, il va te niquer toi et ta mère et puis ta bande de connards. Et ben voilà, et ta bande de connards et tout le monde va être niqué, comme ça au moins être tranquille. Max de retour, Max t'es là? Ouais monsieur. Ouais monsieur. Allez hop, il y a Pierre également qui est avec nous. Danger, salut Pierre. Salut Miguel. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Dis-moi Pierre, t'appelais pas pour ça, c'est pas grave. Mais il y a Max là, t'as entendu son histoire? Ouais, un peu. Bon, est-ce que t'as déjà eu des, pendant que t'étais avec une meuf, des conversations un petit peu hautes avec une autre? Même si c'est rien passé derrière et qu'il n'y avait pas forcément une envie réelle, mais en tout cas, bon, sur le moment même, t'envoies des messages et puis. Ouais, c'est marrant. Voilà, bon, ouais. Est-ce que t'as déjà eu ça ou pas? Ouais. Et alors, tu t'es fait gauler ou pas? Bah des fois oui, des fois non, quoi. Ah. Et quand tu t'es fait gauler, qu'est-ce qui s'est passé avec ta meuf? Eh ben engueulade. Ah, engueulade. Engueulade, et des fois bah on se sépare, des fois. Ouais. Des fois on se sépare pas. J'ai l'impression d'avoir Anthony qui veut dire ouais. Mais t'es pour ou contre? Bon, pff, à moitié. T'es gay ou t'es. Non, je suis hétéro. Je sais pas. Enfin je suis bi. Enfin je dois réfléchir. Non, et donc mais tu t'es fait gauler plusieurs fois par la même meuf? Non, ça dépend de différentes meufs là. Parfois oui, parfois non. Voilà. Ça dépend quoi, tout dépend en fait avec toi. Du coup oui, du coup non. Ouais. Tout dépend. Ah, ça dépend. Bah ça dépend. Bon, alors toi tu nous appelais pourquoi toi Pierre? Alors si je suis toujours avec un ami là que je vois tous les jours. Ouais. Et à chaque fois qu'on voit une fille, on peut pas s'empêcher de faire un plan à trois. Ah oui. C'est... Ça va, il y a pire comme problème. Ouais mais bon c'est galère quoi parce que j'ai une femme et un bébé quoi. Ah oui, effectivement ouais. Mais pourquoi tu fais ça? T'as qu'à te branler. Ah non, mais moi je le comprends, la maison. Arrête, ça doit... il a un enfant. Mais non, oui, non, non, et alors l'enfant peut pas être mis là-dedans, le pauvre il y est mais pour rien. Ça se respecte. Ah oui, il a raison, mais bon, voilà. Il peut se faire plaisir, non? Tu sais, après, quand t'as des envies comme ça, là, quand t'as des envies de cul, t'as une œuvre qui te chauffe, n'importe quoi, tu vas te branler, ça passe. Tu te pinces les couilles et tu t'en vas. Ou deux briques. Tu te pinces les couilles. Hop. Voilà. Avec et hop, deux briques. Hop. Et on en parle plus. Et après, ça passe. Non, mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire que, il y a un moment, faut que tu grandisses, Pierre, là. Ouais. Bah oui. Je pense que ça passe après. Parce que tu sais, il faut réfléchir comme ça avant de se laisser avoir, avant de céder à la tentation aussi grande soit-elle. La conspiration. Pense à ce que tu as aujourd'hui. T'as une meuf, t'as un petit, je sais pas si t'as une maison ou une appart, j'en sais rien, ou si t'as quelque chose. Et tu vas tout perdre, pourquoi? Juste pour aller tremper ta bite dans une meuf, dans une autre meuf, juste comme ça pour une fois et puis c'est tout. Ouais, bah oui, je sais, c'est pour ça que je vais arrêter, quoi. Voilà, c'est un peu comme un régime. T'es là, t'es voilà. en train de faire ton régime, et puis tu te dis, putain, je vais niquer mon régime pour aller bouffer une frite. Ouais, bah ouais. Moi, bah je retiendrai cette grande phrase que j'ai appris grâce à l'île de la tentation d'Oscar Wilde. C'est pour résister, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Voilà. Et il t'a fallu l'île de la tentation pour connaître cette phrase, ouais, toi. Il m'a fallu. Oh putain, mec. Ah ouais, mec, c'est la culture. Où la culture rejoint la non-culture. Ouais, t'as vu. Non, mais, hey, t'es un sac à merde. Ça se fait pas, t'arrêtes ça tout de suite. Je ne veux plus que tu ailles baiser des putes comme ça. Non, ça se fait pas, ça se fait pas, Pierre. T'es père. Bah oui, évidemment. Pierre, t'es père. Je sais, par exemple, à 2h30, par exemple, je vais en voir une autre. Là, je suis avec Kamel, et puis du coup, je vais en avoir une autre, là. Mais n'y va pas! Mais si, vas-y! Mais non, n'y va pas! Mais si, démonte-la! Dis à Kamel! Pour moi. Dis à Kamel qu'il aille fourrer tout seul, et ouais, vas-y, voilà. Rentre chez Watt, toi! Attends, t'es où? T'es à... Merde, t'es arrangé! Eh bah voilà, bah Kamel! C'est pas accessible. Kamel. Ouais! Oui, c'est Kamel, ça va? Ça va, Kamel, et toi? Ça va, tranquille! Bon, bah bienvenue! Je suis obligé de venir, faut qu'il y a mon pote qui vient! Attends, j'entends rien, tu dis quoi, Kamel? Il faut que c'est mon pote Pierre qui vient, c'est obligé. Mais ah non oui. Bah il a qu'à venir pour filmer ou pour prendre des photos, mais il est pas obligé voilà. de baiser. Non, ce sera, ah, c'est serait. C'est Kamel qui m'entraîne dans ses conneries. Il y aurait des bornes autolibes à Angers, moi je serais venu. Hein. Mais non, mais mon pote. Kamel, ça se fait pas, il est daron et tout maintenant là, t'es en train du. Il va risquer tout ça pour des coups de baise. Mais ouais. Oui, mais il va rien risquer. Et s'il avait envie de continuer à donner des petits coups à gauche à droite, bah il fallait pas qu'il sorte avec une meuf et qu'il soit daron. Il y a un moment. Mais elle le pardonnera. Il y a un moment, fallait réfléchir avant. Bah, c'est Kamel qui m'embrouille dans ses conneries, quoi. Bah oui, mais il faut que tu résistes aussi, Pierre. Hein. Mais non. Tu sais, c'est comme quand t'es. C'est pareil, hein, quand t'as des tentations, il y a un moment. Le mec, il arrête de fumer. Et si t'as un autre pote qui arrive, ouais, vas-y, juste une, mais vas-y. C'est toujours comme ça. Il y a un moment, tu dis non, voilà, je décide d'arrêter, point. Bah ouais, ouais. C'est tout. Après, les filles, elles sont pas moches, quoi. Mais ah, ouais, alors mais c'est pas... Non, mais attends, c'est que t'as pas envie d'arrêter, alors. Bon, allez, Pierre, pas plus qu'une pipe. Non, mais non, c'est que t'as pas envie d'arrêter, Pierre, c'est pas possible. Il a raison, faut y aller par palier. Là, tu sais ce que tu vas faire, Pierre, tu vas aller à la pipe pendant 2-3 jours. Mais non, mais on va le désintoxiquer de la baise. Pas de sodomie, pas de double péné. Juste la pipe, Kamel, tu surveilles et après tu finis par des wads. Et après les wads, tu fais des bisous. Les doigts donc, hein, monsieur. Ouais, des doigts, pardon. Donc tu lui roules des... T'as compris ou pas? Et pas plus de 3 doigts. Bad fist. Porte quoi. Bon, écoute, après tu fais comme tu veux, Pierre. Hein, je suis pas ton père, mais voilà. Moi après t'as mon avis. Tu m'appelles pour avoir des avis. Après je te le dis, tu dis ouais, mais la fille est bien. Ouais, mais je me fais entraîner. Ouais, mais j'arrive pas à dire non. Bah alors vas-y. Il faut pas dire non. Faut pas dire non. J'espère que t'as au moins le minimum de respect pour ta meuf de mettre une capote. Ouais, quand même, oui. Bon bah encore heureux. Mais voilà. Écoute, après je sais pas si t'as un truc à ajouter, toi Max, toi qui t'es fait virer par ta. T'imagines, le mec se fait virer par sa meuf parce qu'il envoie un texto, un pet texto. Ouais. L'autre il va baiser, il fait des plans à plusieurs tous les soirs ou presque et tout va bien. Ouais. Bah, et qui consulte le site Jackie et Michel. Ouais, je connais déjà. Bah oui. Je connais déjà. On dit merci qui? Jackie et Michel. Évidemment. Bon, bah salut à toi, Pierre, en tout cas. Ouais, salut à vous. Allez, bonne bourre et sors couvert quand même. Hein. Ouais, y'a moyen d'avoir un pack fun? Oui, bah y aura des capotes dedans, tiens, on va t'enfiler, y'a pas de problème. Et si tu t'ennuies, on veut bien des images. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Salut, Pierre. Hey, salut tout le monde. Salut. Allez, ciao à toi, Pierre. Bon, bah du coup, Max, reste avec nous. J'aimerais bien voir l'avis des filles par rapport à cette question. Si vous grillez votre copain en train d'envoyer des messages de cul, hein, concrètement à d'autres meufs, enfin à une autre meuf, sans pour autant que ce soit sa maîtresse, ils n'ont pas couché ensemble et voilà. Est-ce que vous le prenez mal ou pas? Appelez-nous. J'aimerais vraiment avoir votre avis, au moins l'avis. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va se faire le gainage dans quelques minutes. Ah. Et oui, défi 30 jours. Je l'avais oublié. Ah non. Défi 30 jours, on a commencé depuis la semaine dernière. Enfin, Polo et Toff ont commencé depuis la semaine dernière. Moi, j'avais des problèmes de dos, donc je vais pouvoir m'y mettre cette semaine-ci. Enfin, là, maintenant, ce soir. Quel courage. Ouais, je sais. Alors que j'ai encore un peu mal, mais c'est pas grave. Il me dit que. Je sais. On m'appelle le GI. C'est ça. Dans les bureaux comme ça, là, dans le couloir, on m'appelle. Oh, GI. Ouais. J'arrive, oui. Hop là, oui, commandant. Et garde à vous, trompé, etc. J'essaye de prendre un petit peu le rythme. Bon, donc du coup, on va faire ça dans quelques minutes. On aura également les derniers appels malveillants. Ah. Et oui, à caractère pornographique ou pas, bah ça on verra bien. Hein. Et puis continuez à balancer tous vos messages avec le hashtag Mickaël. Continuez, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Il y en a plein d'ailleurs des messages qui arrivent. Oui, pourquoi pas, c'est Mystique là, qui avait envoyé son message. Et puis il y avait un autre message qui disait t'as qu'à pas aller baiser, mais j'ai plus le nom, merde. Bon bah voilà, c'est pas grave, hein. C'était pour notre ami. Pierre, voilà, Pierre et comment c'est son pote, j'ai oublié. Kamel. Kamel, voilà, c'est ça, exactement. Allez, restez sur Fun Radio, il y aura Polo contre le reste du monde dans 30 minutes. Et puis, je vous l'avais promis aussi, hop, voilà, on s'est pété le son de Gillo maintenant sur Fun. Ça, c'est du lourd. Jennifer Lopez et First Love, vous nous appelez d'où que vous soyez en France, 01 42 48 5000. De la Belgique, 02 851 4x0. C'est comme ça tous les soirs, si vous débarquez pour la première fois. Eh ben, merci d'être là, c'est Mickaël de Limite jusqu'à 2h sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my God, Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y a Sarah Svati qui dit: j'aime bien la philosophie de Polo. Quand tu as une dépendance, tu arrêtes progressivement. Je dis ça aux patients, ils seraient heureux. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu devrais essayer, Sarah Svati. Mister Steven qui dit: le gainage bientôt et Mickaël attaque direct avec 60 secondes, eh ça ouais. Rigole pas. Eh oui. Et Fredes 34 qui dit: ce soir je n'aurais pas été cité, tant pis pour moi. Oh, mais on peut pas citer tout le temps tout le monde. On fait au mieux, cela dit au passage. Bon, alors on a beaucoup de réactions de mecs, mais peu de filles. Alors je sais pas si elles se rendent compte que c'est peut-être un peu ridicule de virer son mec uniquement parce que son mec a quelques messages cochons avec une autre fille. Hein. Je dis pas qu'il faut pas gueuler, hein. Je dis juste que c'est peut-être pas nécessaire de casser. Mais voilà, je voulais avoir votre avis, les filles. Donc si vous êtes derrière votre radio, eh ben vous prenez votre téléphone et vous m'appelez. Voilà, on passe à l'antenne, on va être bien comme ça. 01 oui. 42 48 5000. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Donc comme je le disais. Bon, on va d'abord faire les appels malveillants. D'accord, allons-y alors. Allez, appel malveillant à caractère pornographique, hein, c'est comme ça que la police a appelé ses appels. Oui. Et donc on s'était rendu compte que le gène j'ai oublié. Le gène qui donne la couleur blonde ou brune. Ah oui, n'a rien à voir avec le fait que la fille soit intelligente ou stupide. Voilà, ça n'a aucun rapport. C'est une grande étude qui a été faite. Oui. Tout à fait. Donc on appelle des gens comme depuis tout à l'heure, grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, et on vérifie comment ça se passe. Si déjà on va voir s'ils sont encore là. Debout, je veux dire. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelais parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous faites l'amour. La prochaine fois, quand tu auras les glaces. Oh, je suis imbécile. Mais pas du tout madame, pourquoi vous dites ça? À quoi vous pensez quand... Et c'est là que mention très bien pour nous deux, puisque c'est pas du tout le bon thème. Les blondes, on avait parlé au début pour les blagues, et après c'était à quoi vous pensez pour faire l'amour comme des cons. Ah et oui. Donc moi je lui dis, et Toff qui dit oui, tout à fait. Bon bah du coup, maintenant qu'on est là, heureusement que tu t'es rendu compte. Oui, bon, bah, on oui. rappelle, allez c'est parti, on y va, on rappelle du coup la petite dame qui a l'air fort sympathique. Mais oui, très. Allez hop, c'est parti, on remet le couvert. Et cela dit, si vous avez des blagues de blondes, on peut encore en parler, hein, y a pas de problème, jusqu'à 2h du mat, on est là. Allô. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui. Oui, en fait, je voulais savoir à quoi elle pense quand vous lui faites l'amour. Mais je pense à toi. Elle pense à moi? Ouais, je pense à toi, je t'encule. Non, mais c'est pas vous monsieur, c'est votre femme à qui elle pense. Non, mais moi je t'encule à toi. Mais pourquoi vous voulez m'enculer moi monsieur? Je vais t'enculer parce que j'ai une grosse bite moi. Oui, mais je vois pas le rapport et monsieur. Toi, t'es un petit cul, je te casse le cul. Mais pourquoi vous dites ça monsieur? Je comprends mais, pas. Toi, parce que ça n'a rien à voir avec ma question monsieur. Mais voilà, bonsoir. Ben non, pas bonsoir monsieur, vous avez pas répondu à la question. Allô. Allô monsieur. Il a coupé. Je refais ce truc qui casse mon cœur. Comme ça, je peux pas couper. Bah, dis bonsoir monsieur. Allô. Ils sont contents. Hein. Allô. Oh, comme ça, au moins. Bonsoir monsieur. Oui, vous m'entendez? Vas-y, ne viens pas, celui-là. Oui, allô. Non, mais ce qui était drôle, c'est que c'était dans le champ. C'est contact. C'est bien. Bon, bah. Visiblement, ça rigole bien. Ils ont kiffé. Ah, mais ils ont kiffé apparemment la vanne du mec. Hein. Ouais. Oh, c'est trop drôle, franchement. Bon, bah, on va pas les déranger plus longtemps, malheureusement. Ouais. Bon, on va pas déranger plus longtemps. Bon, bah, c'est pas grave, on va raccrocher nous-mêmes. Oh, c'est dommage. Ah, bah oui. Ah, bah ouais, putain. En plus, la vanne n'était pas exceptionnelle non plus. Non, mais par contre, ils l'ont kiffé à la maison. Hein. Ah, bah, à la maison, ils ont kiffé. Hein. Ça a fait la soirée, là, à mon avis, à la maison. Là, ils vont encore picoler un alors peu. Alors que celui-là était vachement mieux. Va te faire enculer. Voilà. Va te faire enculer, monsieur. Va te faire enculer. J'aime bien le va te faire enculer, monsieur. Parce que le corps, c'est agressif, mais poli. Oui, c'est vrai. Apparemment, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même. Faut pas faire n'importe quoi non plus, quand même, hein. Et vrai. Pas. Mais c'est parce que Toff lui dit mais non mais monsieur. Ah oui c'est vrai, va te faire enculer monsieur. Il y aura Mickaël dans quelques minutes de Calvi là, qui voulait réagir. Quel à Max bon, on va le prendre maintenant tiens. Oh, Mickaël t'es là? Quel prénom magnifique. Oh là là, de l'île de beauté en plus. Oh, total. Là, là, là, là. Tout est parfait chez toi Mickaël. Oui. Eh oui, du prénom à l'île de beauté, tout est parfait. Et c'est clair. Eh oui. Bon alors Mickaël, tu voulais réagir à Max donc hein, tant pis on n'aura pas de fils, pas grave. Puisque bah, sa copine. De quoi? Ah si, je suis là. Oui, non, j'ai dit on n'aura pas de fille. Ah bah tant pis. Hein. Enfin, elles moi, sont toutes timides, je pense. Elles oui, mais je pense, ouais, peut-être. Bon, c'est du coup, qui leur fait peur. Alors, quel est ton avis, toi, Mickaël? Mickaël? Ah bah oui, très très bon avis. Là, c'était profond. Hein. Non, lui, c'est par rapport au téléphone, mais je lui demandais son avis aussi par hasard. Par rapport à Max. Mickaël, t'es toujours là, hein? Ah merde, on l'a perdu. Ah, il est là. Il a été écrasé. Mickaël? Mais il vous. Il prend son temps. Bon, alors bouge pas, bon, c'est pas grave. Bon, Max et Mickaël, restez là, on va vous reprendre dans un instant. On va se faire le gainage en attendant. Hein. Ah. Allez, c'est parti. Le gainage, le principe était donc très simple. Merde, putain, j'ai pété le micro, Yonk. Ah, attendez, le micro est cassé. Alors, allez. Voilà, ça y est. Je répare, hein, je fais le service technique en même temps. Le truc, il a lâché. Il a lâché, normal, quoi. Bon, ça y est, ça marche? Bah oui, ça marche. Bon bah très bien, parfait. Alors, ce que je propose, donc oui. Bah, je vais réexpliquer un petit peu le concept déjà. Donc le principe était simple, il fallait, et bien depuis la semaine dernière, faire le principe du gainage. Vous avez certainement vu sur Facebook et Twitter le hashtag 30 jours... Défi 30 jours. Je vais jamais y arriver celui-là. Défi 30 jours, et donc le but est d'arriver à faire comme des pompes, sauf que donc vous mettez en position pompe, sauf en fait vous ne faites pas de pompe, vous restez avec les avant-bras, sur les avant-bras et les coudes. Ouais. Voilà, vous restez dessus, tout simplement. Il fallait tenir 20 secondes, 30 secondes, 35 secondes, 40 secondes, je crois. Non, c'est ouais, on est c'était enfin bref, ça allait crescendo quoi. Voilà, et puis regardez, il y a la sur la vidéo. Bah, il y a la vidéo qui est sur le Twitter, le Facebook et sur l'explication en dessous. Voilà, sur Facebook, Twitter et sur YouTube bien entendu. Et puis eh bien ce soir on va arriver à la 60 secondes. Chrono, évidemment. Donc je rappelle également que je n'ai pas commencé en même temps que vous puisque j'ai des problèmes de dos, etc. Mais voilà, oui. C'est parce que t'es un warrior, et la bah, guerre, exactement, tout ça, tout l'éclat d'obus, bon. Voilà, donc du coup maintenant ça va un peu mieux, donc je vais venir vous rejoindre. Ah bah c'est... Et on va voir si j'arriverai à tenir les 60 secondes oui, ou pas. Oui, on va voir. Bah on va j'sais voir. Pas, j'sais pas pourquoi, mais j'ai aucun doute là-dessus. Bah de quoi, que je tienne les 60 secondes? Que je tienne les 60 secondes? Ouais, bon, j'ai aucun doute là-dessus. Bah bien sûr, c'est tellement boule. Fort, attends, arrête. Parle, bah quoi. Bah oui, mais, oui, mais non, mais. Mickaël arrive là. Ça y est. Ah putain. Oh là là, mettez-le seul à avoir un micro. Mais oui, mais me parlez pas en même temps alors. On parle pas. Il est en train de rien. C'est-à-dire que les. Oh là là là. Allez, on fait cette merde là, vous arrêtez de me saouler, tout le monde par terre. Jo, la mauvaise foi. Alors, on était au couilles, top là quand même, là, on était oh au top. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont reloues. Oh là là, Jo, la mauvaise foi, dis donc. C'est un truc. Bon, allez hop, on y va. Allez, c'est parti. Putain, ça pue les poubelles chez Toff. Hein. C'est bizarre, hein. Ouais. Ça pue la poubelle, dis donc. Alors attention, donc là je vous explique, on est quand même tous par terre comme des cons là. Bon, alors. On a bien vu Papy qui est en train de s'installer. Bah oui, écoute, moi faut que je me mette. Hein. Bon, c'est bon. Qui chronomètre? Bah écoute, moi du coup, hein, j'ai l'horloge devant moi là. Alors, donc faut faire 60 secondes, c'est ça? C'est hein ça. Attends, j'essaye un peu. Oh ça va, mais vous avez fait un cinéma pour 20 secondes? Eh oui, allez, vas-y. Ils sont sérieux? Allez, vas-y. Un cinéma pour 20 secondes? Mais attends, mais c'est rien. Allez, on en reparlera dans. Oh, c'est rien. Je vous fais 270, vous voulez soir. Vas-y, allez, vas-y. Vas-y. Bon, alors on y va, vous êtes prêts? Sol, ouais, en on direct tellement de... bien là. Ouais, c'est vachement sympa. On est la gueule sur le parquet là, c'est très pratique. On est là, hein. Voilà. On est là. Bon, vous êtes prêts? Nous, alors prêts. Attention, 60 secondes, on va démarrer. Attends, j'attends un chiffre rond là, comme ça c'est plus facile parce que des fois que je m'évanouisse. On y va, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Oh putain, j'ai déjà mal au dos. Ouais, c'est mais ouais mais attendez. Je suis 170 secondes ce soir. Non mais je rappelle que je suis handicapé, que j'ai un problème au niveau du dos là. Putain ça tire hein. Ah bah tiens. Oh ça tire dans le dos là. J'y crois quoi qu'on faisait de là-bas. Mais oui. Franchement oui. Oh c'est facile 20 secondes, vous m'avez fait chier. Ah putain, on est à 23 secondes là. Ouais. Ah ok. Non ça va. Pour l'instant ça va. C'est franchement il y a eu plus de peur que de mal. Hein. Ouais. Pour l'instant ça va bien, j'arrive encore à parler. tout va bien. Alors si t'arrives encore à parler, c'est que tout va bien. On est à 40 secondes. Oh, ça va. Franchement, ça va, hein. Mais oui. Non, mais attendez, parce que évidemment, c'est un peu dur, parce que déjà, j'ai mal au dos de ça. Mais 20 secondes, vous avez fait un scandale pour les 20 premières secondes. Oui, c'est ça, nous, on a rigolé. Nous, on est genre, c'était une catastrophe. Maintenant, dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, putain. Oh, les enculés. Oh, putain, c'est violent, hein. Et on doit faire ça 3 jours de suite, hein. Ouais, non, mais ça va, franchement, il y a encore, comme je disais, plus de peur que de mal. Putain, je sais plus bouger. Ouais. Allez, vas-y, papy, lève-toi. Ah, oh, putain, mais oui, mais moi, j'ai. Voilà. Bah oui. C'est facile quand on est en bonne santé là, critiquer la personne qui va mal. Mais oui, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a aucun respect. Exactement, mais c'est vrai que c'est dur. Bon, mais... attendez, je retourne à ce micro. Regarde-le, l'autre là, il est sur une demi-jambe. Vous arriverez à garder l'antenne. Vas-y, ça va, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Ça devrait aller. Et Tof qui va absolument blinder le blanc là. Ouais. Voilà, ça y est, papier est arrivé. Voilà, c'est bon. N'empêche, il n'empêche que j'ai tenu la minute. Ouais, c'est vrai, bravo. Avec un handicap. C'est quoi le handicap? Attends, t'es sérieux là? Quoi le handicap? T'as pas vu le bleu que j'avais là? Bon, c'est vrai, il est plus là maintenant, mais je peux te dire que je le sens encore passer, hein, quand même. Hein. Mais écoute, personnellement, j'ai du mal à imaginer que ça t'arrive à avoir un ventre plat avec ce truc. Hein. Bah, on verra bien. Mais attends, après, faut faire un régime. Sur la longueur. Hein. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, tu vois, j'ai pas l'impression que ça tire à certains endroits. Tu vois? On en parlera demain. J'ai pas l'impression. Bon, enfin bon, après on verra. Bon, on va prendre. Ah bah voilà, Max, toujours avec nous, Max? Oui, toujours. Bon, très bien. Il y a Alessia qui est avec nous de Lyon là. Salut Alessia. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bon, très bien. Il y aura Alessia juste à la après. Branche ou pas? C'est drôle ça. Voilà, rien, j'ai mis une claque à Apollo, il méritait. Bon, Alicia, tu voulais donner ton avis par rapport à Max, donc, qui s'est fait virer par sa copine, parce que il ne l'a pas trompé, mais il discutait avec une meuf, avec des messages un petit peu cul, et il est tombé dessus, du coup, il l'a viré comme une merde. Bon, est-ce que, Alicia, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'en pense que, au fait, déjà, c'est pas trompé pour moi. Par contre, si je comprends la détresse de la nana, parce que elle peut quand même avoir des gros doutes là-dessus. C'est vrai. Le mieux, c'est d'en parler, carrément. Parce que l'honnêteté, c'est ce qu'il y a de mieux dans un couple. Ouais, enfin, d'en parler, tu vas quand même pas dire à ta meuf, bon, écoute, là, je vais écrire à une meuf parce que j'ai envie, on va se mettre dans un délire virtuel de boule, tu vois. Non, le mieux pour le couple, je vous l'ai déjà dit, ça fait des mois et des mois que je me tue à vous le dire, mensonge. Non, arrête un peu ton cinéma qui pour ta gueule. Mais il faut lui montrer, pas lui faire du mal. N'importe quoi. Le mensonge et le ciment de tous les bons couples. Donc, pour toi, il y avait discussion à avoir, mais c'était pas forcément la peine d'en arriver la peine de mort, quoi. Bah non, mais après ce que fait l'autre en trompant sa nana avec trois meufs en même temps, c'est un petit peu quand même plus déplacé. Trois meufs en même temps, c'est rien. Non, t'exagères, il faisait un plan à trois. Ils étaient pas avec trois meufs, ils étaient deux mecs et une meuf. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi. On va prendre l'avis de Christina également. D'Evreux, salut Christina. Excuse-moi, attends. Christina. Oui. Ça va, Christina? Oui. Bon, très bien, sois la bienvenue. Alors, quel est ton avis, toi, par rapport à Max? Moi, je sais que, personnellement, j'aurais pas trop apprécié, quoi. Non, mais ça c'est une évidence, hein. Y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que ça méritait de virer ton mec? Est-ce qu'une discussion pour voir un peu ce qui se passe, pourquoi, tu vois, ne pouvait pas être... Moi, oui, je sais que je l'aurais viré aussi. Ah, tu l'aurais viré aussi? Oui. C'est marrant parce qu'il y a des meufs que tu trompes et qui ne te virent pas, tu sais, ils vont te tirer la gueule, elles vont te dégager un jour ou deux, peut-être une semaine, puis après finalement ça va se rabibocher. Et j'ai l'impression que ça c'est encore pire que s'il avait été voir ailleurs. Mais c'est ça qui est grave. Bah ouais, mais bon, juste le fait qu'il y a quand même la peur qu'il aille quand même voir ailleurs, quoi. Oui, mais il l'a pas fait. Ouais, mais il l'a pas fait là. Ouais, mais peut-être parce qu'elle l'a surpris trop tôt. Mais non, lui, il te dit que c'est de la vanne, puisqu'elle est devenue amie avec elle. Non, mais après, ça reste un mec, hein. Le fait de dire oui, c'est de la vanne, c'est en général quand tu sais pas quoi dire. Hein. Oui, mais c'est le truc le plus simple. Oh, c'était pour rire. Non, mais c'est pour rire. Oui, bah c'est super drôle. Hein. Oui, j'ai envie de te baiser, j'ai envie que tu m'encules. Ah oui, c'est pour rire. C'est mais super non, drôle. Attends, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai eu des potes et il m'arrive de leur envoyer ça. Il est devant toi ou quoi? Alors, non, tu parles pas. Non, mais si, même Tof, des fois, je dis, ouais, vas-y, je dis de la merde. Donc, et à un moment donné, est-ce que tu peux te dire, ouais, le mec, il a envoyé un message à un pote, ça veut dire qu'il couche avec lui? Oui, oui. Bah, je sais oui, pas, c'est une question. Non. Tu vois, ah, c'était pertinent. On dirait Antoine. Anthony. Ouais. C'est vrai, on dirait, ouais. Bon, donc, moralité, Christina, si le mec revient vers toi, vu que toi, tu serais comme. Enfin, tu es comme la. Tu es comme l'ex de Max, là. Toi, tu vires le gars. S'il revient vers toi, il s'excuse, tout ça, il y a moyen que tu passes l'éponge ou c'est mort? S'il me prouve bien qu'il s'est rien passé du tout, ouais, il y a peut-être moyen de s'arranger. Ouais, comment parce que c'est ça, c'est difficile de prouver qu'il s'est rien passé. Hein. Bah ouais. Bah après, c'est sûr, surtout si notre meuf, elle est... Enfin, si elle est... Parano. Ouais, voilà. Ouais, en plus, ouais, forcément. En même temps, Max, lui, voulait juste récupérer les meubles à la base, hein, mais bon. Bah écoute, bon, bah, merci en tout cas, Alicia et Christina, d'être passées. Vous revenez quand vous voulez, les filles. Merci, de rien. Salut, les filles. Il y a moyen de s'en faire. Il y a moyen de quoi, Christina? De ah, c'est pas moi. De Alicia, pardon, excuse-moi. Oui, bien sûr, vas-y, Alicia, vas-y. Bah, dédicace aux personnes que je connais et à vous, parce que je vous aime énormément, et puis à toi, que j'aime. Oh, moi, quelle horreur! Mais quelle horreur! Attends, mais Alicia, comment est-ce possible d'avoir des fautes de goût à ce point-là? Mais non, Alicia. Attends, c'est toi, Alicia, elle disait quoi les sur les couleurs, ça discute pas. Ah, toi, voilà. Le petit message là, tu n'aimes pas, toi, c'est ça? J'ai pas compris. Non, mais c'est toi qui disais que le message, c'est gravissime? Non, c'est Christina. Ah, d'accord. Parce qu'avec Tof, tu vas être servi. Vas-y. Ah, bah oui, là, tu vas être servi. Je sais pas si vous vous rappelez, je suis passé pour parler du métier de dessinatrice. Oui, tout à fait, oui. C'était moi, oui. Exactement, ouais. Et bah très bien. Toi, et bah, kiffe aussi. On se souvient. Bah, merci d'avoir appelé en tout cas, Alicia. Je te fais des gros bisous. Hein. Salut à vous. Salut, Max. Oui. Par quelle lettre elle commence C'est pas elle. Ah d'accord, ok, très bien. C'est Pierre. Mais Mickaël. Ouais. J'ai deux blagues sur les bombes, si t'en veux. Alors attends, parce qu'il y a d'abord un message de Gwen qui dit « Pierre Danger, tu es un gros con, je t'ai reconnu, je suis ta femme. Oh. Alors là, tu vas voir ta gueule. » Ah, putain, Pierre mais de oui, ta mère. Pierre, le plan 3. Oh merde. Oh putain. Bon, voilà. « Je suis ta femme, alors tu vas voir ta gueule et tes putes aussi, je te jure, tu me dégoûtes, connard. » Écrit ouais, en majuscule. Mais non, mais c'était pas vrai, c'était non, parce là, y a que rien c'était à dire, Kamel. Mais non, mais là, tu peux pas... Tu peux pas défendre. Il y a un moment, même si t'es avocat. Mentez-leur. Non, là. Écoute, Gwen, tu peux nous appeler, on va gérer. Hein? Bah oui, mais oui. Faut qu'on arrange ça. Voilà, Polo pourra coucher avec toi, t'offres la visite. Ah non, j'ai pas envie d'avoir des soucis. Et puis Kamel, il va venir essayer de m'enculer et tout. Non, laisse tomber. Il y a Franck qui dit salut l'équipe. Une de mes ex a reçu un message qui disait j'attends toujours que tu me chauffes. D'un de ses ex, j'ai pété les plombs. Je suis resté avec elle pendant un an. Mais du coup, je ne lui faisais pas confiance. Donc pour moi, la copine de l'auditeur a bien fait de la quitter. Ça évite les doutes. Ok. Et Adeline qui dit aussi moi, je le tue si je le vois envoyer des messages comme ça. Et je pense que les hommes aimeraient pas non plus nous faire ça. Et enfin, Jérémy qui dit bonne soirée à toute l'équipe. Et merci de nous changer les idées tous les soirs. Bah, de rien. Et merci d'être là aussi tous les soirs, Jérémy. Vas-y, Max, pour les blondes là. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'une blonde accrochée à l'envers au fond d'un garage? Qu'est-ce qu'une blonde accrochée à l'envers? Non, je sais pas, vas-y. Une clé à pipe. Une quoi? Une clé à pipe. Ah, une clé à pipe, il est con, oui, n'importe quoi. Et la deuxième? Et qu'est-ce qu'une blonde qui a l'oreille accolée à sa maison? Je sais pas. Une blonde qui écoute de la house music. N'importe quoi. La house music. Bon, ben merci Max, hein, on restera sur cette bonne vanne. Ben avec plaisir. Salut à toi Max, à bientôt. Mais on peut avoir un paquet Lovinfun? Lovinfun non, mais fun oui. Oui, pas fun, ouais. Voilà, allez. Je vais te repasser le standard et puis on va prendre tes coordonnées sans problème. Ben, je te remercie Mika. Avec plaisir, salut Max, ciao à toi. Mmh. Ciao, à bientôt Max. On va se mettre le son de Katy Perry là maintenant, j'en avais parlé tout à l'heure là. Hop là, Katy Perry maintenant avec Birthday sur Fun Radio. Il est 1h48, bienvenue si vous débarquez pour la première fois sur Fun, c'est Mickaël No Limit, 23h, 2h tous les soirs de la semaine. Happy birthday. Le son de Katy Perry sur Fun Radio, c'était Happy Birthday. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et il y aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et puis bah là, je vous l'avais promis, le chéri, je peux te faire cocu avec Marie. Salut Marie. Salut. Comment ça va?

Au pire, ouais. Bah ouais, ce serait pas mal. Je suis un peu moins énervée. Et ben voilà. Ou alors, tu peux te venger en couchant avec un autre. Moi, je suis disponible. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, ça, c'est une éventualité, Gwen. Hein. Plus... Oui, voilà. À voir, quoi. À voir, à voir. Bon, bah écoute, en tout cas, bon courage, Gwen. On te rappelle demain 23h pour voir un peu comment ça s'est passé. Ok. D'accord ? Vous ouais. avez passé une bonne nuit, je le sens. Ouais, je le sens, ouais. Super. Ouais, je sens qu'elle va être bonne, ouais. Bon, allez, gros bisous, Gwen. Ouais, bisous, au revoir. Salut, Gwen. Ciao à toi, je t'embrasse. Bye bye, à bientôt. Bon, eh ben, voilà. Ouais. Mais ça, c'est quand on fait le malin, ça. Ah, bah, on se la raconte et puis. Ah, bah oui, ah, bah oui. Ouais. Bah, ça, moi, j'arrête pas de le dire, hein, les réseaux sociaux, la radio, tout ça. Ah oui, ça fout la merde. Ça fout la merde. Hein. Je le confirme. Bon, pour le contrôle reste du monde, du coup, en version courte ce soir. Ah, on va faire ça court. Ah, bah oui, parce qu'on est pas en avance, là. On est pas en avance. Voilà, Polo contre le reste du monde. Bon, d'habitude, c'est 1h55, 2h du mat. Là, bon, là, il est 2h08. C'est pas très grave. Polo against the rest of the world. On y va! Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. On commence tout de suite avec la blonde! Allô, mon chéri, mon oui, doudou. Deux secondes. Poutine! Je veux baiser le monde. Bon, qu'est-ce que tu veux, Poutine? Magne-toi. Je veux baiser le monde. T'as pas autre chose à dire? Non. Ah, d'accord. C'est un peu particulier. Arnold is back. Arnold. La blonde. Bah oui mon minou, alors j'ai appris cette étude mais c'est génial. Ouais. Bah parce que je m'étais fait des mèches, tu vois. Ouais. Hein, et du coup maintenant, bah du coup je sais que ça sert à rien parce que bon bah voilà quoi. De quoi est-ce qu'il sert à rien? Bah que je me fasse des mèches. Bah pourquoi tu t'étais quoi? T'étais blonde? Bah oui, j'étais blonde et du coup je m'étais fait des mèches brunes. D'accord, mais tu resteras blonde quand même, c'est, ça sert à rien. Oui, mais je serais pas conne. Et c'est oh ça là là, mais si t'es conne. La vieille. Oui, Polo. Oui, je vous écoute, madame. Bon, écoute, tu peux m'appeler Thérèse, hein. Ouais. N'hésite pas, écoute, bon, je suis passé hier au téléphone. Ouais. Et depuis, j'ai vu votre photo, Polo. Ouais. Je n'ai pas pu m'empêcher ce soir, je voulais vous prévenir avant, mais votre émission passe tard. Ouais. Je me suis caressé. Ah. Mais c'est pas possible. Ah bah c'est pour ça. Ah, Poutine. Ouais. Je t'écoute. Oui. Est-ce que t'aimes le sperme? Non, pas du tout. Bah pourquoi? Bon, t'as rien d'autre à dire, Poutine? Mais allez, c'est bon. Allez, casse-toi. Arnold is back. Et Arnold Arnold Arnold La blonde, le retour. Oui, attends, pourquoi tu me dis ça? Moi j'étais toute contente, je frétillais, j'étais toute chaude et toi tu me dis que je suis conne. Bah oui, t'es un peu conne, c'est pas de ta faute, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, il y a des gens qui sont cons et des gens mais qui sont intelligents. Pourquoi tu dis ça? Oh non, on va pas pleurer ici celle-là, la vieille, le retour. Oui, allô Polo. Ouais, la vieille. Bon, donc je disais que je m'étais fait du bien en pensant. Oh, mais quelle horreur, mais vous pouvez pas faire autre chose? Bah écoutez, y a pas d'âge. À votre âge, bah si, justement. D'ailleurs, madame. Quand est-ce que vous passez à la maison de retraite derrière jamais, votre radio? Jamais, la vieille, on va y aller nous. Conclusion, Poutine, on conclut, allez. Y a pas mieux que la branlette en fait. D'accord, va te branler, Poutine, dégage, Arnold. La vieille conclusion, s'il te plaît. Bon, bah écoutez, je suis disponible demain pour le thé. D'accord, mais je ne serai pas là. Non mais si, venez vers 16h. D'accord, bah on va faire ça. Je vous attends les jambes écartées. D'accord, au revoir la vieille. Au revoir. Allez, casse-toi, Arnold. Yeah. Oh oui, moi c'est Arnold. Je vais du Bamako, un petit village au sud de la Bouille-d'Antoine. D'accord, au revoir Arnold. J'imagine la balade, monsieur, j'imagine la... Ok, allez, casse-toi. Et pour terminer la blonde, conclusion pour terminer ce polo contre le reste du monde. T'es trop méchante avec moi, dis-moi que je suis gentil. Non. Connard. Allez la blonde, on y va. Mais non, dis-moi des trucs gentils. Va te faire enculer. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce surtout. À eux, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça n'a pas de prix. Ah non, ça n'a pas de prix, effectivement. Et... Oh là là là là là là, ce polo contre le reste du monde. On va se faire le top tweetos également ce soir. S'il y en a qui râlaient, vous dites, ouais, mais bon, vous n'avez pas fait de récap. Oui, c'était pour garder la surprise. On verra maintenant quel est le numéro 1. On va d'abord, évidemment, passer par le numéro 5. Je rappelle que celui qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël, eh bien, repartira avec un magnifique sextoy offert par... passagedudésir.fr. Évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Numéro 5. Qui est numéro 5? Fred S34. Eh ben, il a été, il se plaignait de ne pas avoir été cité. Bah, deux fois en un quart d'heure, t'as vu? Ouais. Numéro 4. Mister Steven. Numéro 3. Christophe. Numéro 2. Forcément. Virginie 66. Voilà, et number 1. Notre dictateur préféré, Vladimir Poutine. Ah, Vladimir Poutine, très bien. Bon, qui a déjà gagné du coup, donc on fait gagner qui? Quel est le nouveau qui n'a pas encore gagné dans les 5 premiers? Alors, attendez que je retrouve ma page, voilà. Voilà, Je pense que c'est Mister Steven. Mister Steven, le magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment, et on remettra le couvert demain, bien sûr, à partir de 23h sur Fun Radio. Donc restez bien à l'écoute. Et puis, générique de fin. Ouais. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bon débit à te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom. Y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qu'encule ton nom, t'es un enculé. Dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Va te faire enculer, va enculer ta mère je la baise, par trop les tourons, hein, elle aime la pipe. Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? De connards, de mange merde, de trou du cul que tu es. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Va te faire enculer, monsieur. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Merci d'avoir encore été là ce soir, là, nombreuses, ouais. Avec plein de messages qui sont arrivés tout au long de l'émission, avec le hashtag Mickaël sur le Facebook, bien entendu également. On salue qui dit bonne nuit à tous, salut bravo à toi également, Vladimir Poutine, qui dit tu m'as pas écouté sur Polo contre le reste du monde ce soir. Vladimir Poutine, un message pour Polo. Ah si, on t'a écouté, mais t'avais pas de conversation, Vladimir. C'est vrai. Voilà, Frenes 34 aussi qui était là, il y avait Jérémy Love, il y avait Jojo, il y avait Devers 45, il y avait Brandon Fun Radio OM, Secret qui Elliot également qui était là, il y avait Christophe, il y avait Mystique évidemment aussi, et Mister Steven et tous les autres qui étaient connectés ce soir. Je n'ai évidemment pas le temps de citer tout le monde, mais quoi qu'il en soit, merci d'avoir été là. Tiens, il y avait un message aussi de Mister Steven, un autre qui dit je l'ai bien apprécié ce chéri, je peux te faire cocu. Oui, c'est vrai, il était pas mal. Et Secret, ouais. Qui dit elle aime bien ta mère, elle aime bien ta race. C'était la minute poésie offerte par Mickaël Noémite. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Nadia qui dit la réaction des membres de l'équipe lorsqu'ils apprennent que Marie est stripteaseuse. Bah écoute, nous étions très agréablement surpris. Mais oui. Très agréable. C'est moi qu'on puisse dire. Ah bah complètement. Bon, en tout cas, passez une bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là, tout simplement. Merci de nous avoir écoutés. On revient demain à partir de 23h. Demain, il y aura le Je t'emmerde qui sera là. Au programme. Qui sera au programme à partir de 23h pour gagner notamment des casques de DJ. Mmh. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne nuit. C'est le Sundance Floor non-stop jusqu'à 6h du mat. Et on se retrouve demain à partir de 23h. Salut tout le monde. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio.